Bienvenue dans Brocast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et besognant dans ce milieu aussi stimulant que chronophage. Le premier beau, c'est moi. Le premier beau. Oh merde. J'ai des douleurs intercostales. Faut faire un spin-off Brocast, le podcast des gens beaux. Alors, Brocast, le podcast des gens beaux. Bon, allez. Putain, c'est dur. Alors. Attends, excuse-moi. Allez. Bienvenue dans Brocast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des beaux. Non, mais la première phrase, elle est bonne. De toute façon, les deux hosts. Les deux os. Oh putain. Ma chaussure, putain. Oh merde. Ouh, c'est dur. Bienvenue dans Brocast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et besognant dans ce milieu aussi stimulant que chronophage. Le premier bro, c'est moi, Bruno, chez Bruno sur Twitter, ancien journaliste JV et travaillant désormais pour Storybird Games, studio fondé par le deuxième bro, Julien, alias Forza Pedro, sur le réseau social où le hashtag star du moment où nous enregistrons est « Mes premiers mots devant Dieu ». Donc c'est une ambiance super festive, champagne et cotillon. C'est une blague ? Non, non. Ce n'est point une blague. Ça vient d'où, ça ? J'ai même pas voulu cliquer dessus. J'ai pas voulu cliquer dessus. J'ai même pas voulu... Bah, tu sais, des fois, t'as des hashtags... Bref, sans parler des hashtags scandaleux, homophobes, racistes, ou tout ce que tu veux. Ouais, ouais. Bref, c'est... Voilà, Twitter, c'est à l'image du net, c'est le meilleur comme le pire. Ouais. Bon, comment ça va ? Bah, c'est surtout à l'image du monde, en fait. Exact. Ouais. Bah, ça va, ça fait déjà genre une heure qu'on a enregistré. Oui, on a enregistré l'intro 50 fois à cause d'un faux rire. Donc, voilà. On n'y est pas. Mais oui, sinon, ça va. Ça va être les vacances, là, le voyage de noces, donc j'ai hâte. Donc, tu pars au Japon. Au pays des Chinois. Au pays des Chinois, voilà. Ouais. Comme j'ai dit, voilà. Tu nous feras des belles photos de la Grande Muraille. Voilà, c'est ça. Qui a servi à repousser les nazis en 44. Oui, bah c'est bien connu. Ah bah, à coup de shuriken. Et les vikings aussi dans l'Antiquité. Oui, c'est vrai, putain. Rien. Un bon petit cours d'histoire, ça fait pas de mal. Ah non, mais là, j'ai juste... Non, c'est une blague, hein. Enfin, je crois. Ah bah, si c'est vrai, putain... Non, mais je déconne. Ah d'accord. Je t'ai cru. Je t'ai cru, quoi. Tu le dis tellement sérieusement, je fais quoi, il y a des vikings, quoi, en Chine. Connard de Mongol. Bref. Oh, la rencontre, quoi. Ça me fait penser à South Park à chaque fois. Ouais, oh putain, ouais. Bon, c'est le meilleur, hein. Avec les Shin Pokémon. Avec les Shin Pokémon, ouais. Et les Simpsons l'ont déjà fait. Que c'est ça. J'aime beaucoup aussi. Bref, alors, donc... On a enregistré en retard. Alors, on va poser tout de suite les bases. C'est que là, t'as beaucoup de boulot qui t'attend. Ouais, et j'ai un rhume des foins. T'as un rhume des foins. Moi, j'ai énormément de choses à faire aussi. On a. Et t'as la gastro. Non, quand même pas. Pas encore. Oui, alors, je coupe. Oui, donc, alors, je disais, je coupe. Alors, US Gold. US Gold. Ça veut dire que là, le montage, j'aurais toutes les 1 minute 50 un raccord son à faire. Ça me prendrait une semaine. Ouais. Donc voilà, donc on a mis. Je pense que je l'ai sûrement mis en intro, donc vous avez déjà dû entendre un petit peu la teneur de l'enregistrement de l'intro. On a dû s'y reprendre à 25 fois. Donc un sujet très intéressant aujourd'hui. Plus de niches, je pense, que la dernière fois, mais à mon avis, ça va faire plaisir à certains anciens. Donc, rara. C'est le podcast belge, tu sais, alors. Monsieur t'as capté. Eh là, t'as ri à steak. Oh putain, on salue nos amis belges, en plus il y en a qui nous écoutent. On les embrasse bien fort sur le front. Ouais, mais cool. Même si je sais pas où ça se trouve sur une carte. Putain, foiré. Ah, on est. Tu veux ils vraiment sont qu'on bien ait... trop peu importants dans le monde pour savoir où ils sont. Tu veux vraiment qu'on ait des ennuis, hein. Ah bon, bah je salue mes amis belges qui m'écoutent et les pauvres, c'est pas moi, c'est Julien. Allez pourrir son Twitter. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ça part vraiment en cacahuète dès le début. Donc, ceux que... qui. Non, bah vas-y, lance le sujet là, c'est bon. Bah, je vais déjà quand même rappeler un peu le principe du podcast pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est vrai. Donc. Si vous nous découvrez que ce formidable épisode 6, qui n'a pas encore totalement commencé, mais on sait déjà qu'il sera formidable, voilà, donc Brocast, on vous invite à une ambiance de franche camaraderie, comme si vous écoutiez des potes discuter jeux vidéo et voilà, que vous les rejoigniez à leur table. Donc c'est exactement ça, c'est ambiance détente, hein, sans sommaire préétabli. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des adaptations de jeux d'arcade sur micro-ordinateur et plus spécifiquement sur les micro 16 bits de l'époque, qui étaient donc l'Atari ST et l'Amiga, ouais. Une période qu'on a bien connue et qui nous est chère. Yep. Et voilà, donc avant, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste vous balancer deux actus, mais on va être un petit peu plus rapide sur la première partie d'émission que d'habitude. Donc là, pas de recommandation avec 10 minutes d'envolée lyrique, pas du tout. Ouais. Juju, tu voulais nous parler d'une découverte que tu as fait à propos de Final Fantasy 5, deux bâtons, me semble. Ouais, c'est sur FF7. En fait, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Raphaël. Donc, c'est notre cousin qui m'a fait découvrir ça. C'est un mod du jeu, donc uniquement compatible avec la version PC. Alors, soit PC normal, soit PC Steam, bon, bref. Du moins, c'est la version récente. Le vrai portage, pas le vieux portage de 98, je crois, ou 99, avec des musiques en MIDI toutes pourries. Ouais, celui donc, qui bref. Avait coté à je ne sais pas combien. Ouais. qui était buggé, enfin bref. Donc voilà, c'est un mode un petit peu casse-couille à installer, mais quand c'est fait, ça vaut vraiment le coup, parce que c'est... je dirais que c'est un mode même... Enfin, c'est... Je me contredis en disant ça, mais c'est un mode professionnel, entre guillemets, quoi. T'as l'impression que c'est un vrai... un vrai mode de Square, et encore, je sais même pas s'ils sont capables de faire quelque chose aussi bien. Ça revoit l'équilibrage déjà du jeu pour commencer, donc le jeu est beaucoup plus dur. Alors beaucoup plus dur pour les habitués des Final Fantasy, ce sera beaucoup plus dur, mais pour les habitués des Dragon Quest, en fait, en gros, c'est Final Fantasy 7 avec une difficulté de Dragon Quest, quoi. Ouais, c'est comme s'ils avaient mis un mode hard. En gros, FF7, les magies servent à quelque chose, les invokes servent à quelque chose, les stats servent à quelque chose. Certaines magies que personne n'utilisait, genre c'est barrières et barrières magiques, etc., ça sert à quelque chose. C'est même indispensable en fait. Parce que les ennemis sont très intelligents, très forts. Tu peux mourir, hein. Comme dans un Dragon Quest d'ailleurs, dans les combats normaux. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a des vrais ajouts. Ils ont rajouté des stats spécifiques à tous les persos, comme Final Fantasy VI, en fait. Chaque perso a vraiment des atouts et des inconvénients du style, tu sais... genre, par exemple, Barrett, si tu le mets en défense et qu'il se prend des coups, ça augmente sa défense pendant le combat. Et si tu le mets en attaque et qu'il se prend des coups, ça augmente son attaque. Ouais, donc ils ont fait un vrai boulot Voilà, il y a les personnes. Voilà, les personnages ont un vrai rôle, si tu veux. Mais en plus de ça, ils ont rajouté des cutscenes, des nouveaux monstres, des nouveaux boss, des matérias, des précisions sur le scénario, des nouveaux dialogues entre les persos. Mais tu sais, c'est pas genre des cutscenes toutes pourries avec des persos qui bougent pas, tu vois. Et juste des boîtes de dialogue. Non, vraiment, ils ont codé des mises en scène, etc. Enfin, c'est juste hallucinant. En plus de ça, tu sais, les ennemis, maintenant, quand tu les butes, certains te donnent des SP, en fait, en plus des XP. Et en fait, quand tu arrives dans les points de sauvegarde, tu as une sorte de démon, un peu à la Persona, en fait, qui t'échange tes SP, il faut atteindre des paliers, en fait. Qui t'échange les SP contre des sources. Je sais pas si tu te souviens, les sources, tu sais, sources oui, de magie, oui, etc. Bien sûr, ouais. Pour booster tes persos, tous les équipements ont des stats différentes et des effets... Enfin, sincèrement, c'est assez fou, en fait. Alors, combien de temps avant que Square leur tombe sur... Bah non, parce que ça fait longtemps, en fait, que c'est mis à jour, ce truc-là. Là, il y a la dernière version qui est sortie, donc ça s'appelle Final Fantasy VII New Treat. C'est assez facile à trouver, en fait, sur le net, même sur Steam, tout le monde en parle. Apparemment, enfin, moi, je savais pas, mais c'est genre un consensus général, les gens ne jouent qu'à ça, quoi. Mais c'est juste une question, parce qu'on va, aller vite. C'est un mode, quand tu possèdes déjà le jeu. Ah oui, bien sûr. Oui, très bien, d'accord. C'est, je te dis, c'est comme un mode de Skyrim ou je sais pas quoi. Voilà, voilà. Fait, ils te font pas une version packagée complète. Voilà. Non, donc c'est pour ça te refait tout le jeu. T'es obligé de faire un new game. Bon, ça te met le jeu en US, mais c'est pas vraiment un problème. Oui, mais il faut déjà avoir acheté FF7 sur PC avant. Ah bah bien sûr, voilà. Très bien. C'est un mode installé, quoi. Et voilà. Oui, c'est un mode, vraiment comme on en trouve des tas. Parce que c'est vrai que le mode, c'est... Ça vient plutôt de la culture vraiment jeu PC. Ah bah c'est de la culture PC. Et c'est étonnant de voir ça sur un jeu, sur un JRPG, c'est assez sympa. C'est dingue quoi. Au début du jeu, t'as carrément Jis pendant un ou deux combats dans ton équipe. Enfin, Yuffie, tu racontes pas pareil. En fait, elle arrive beaucoup plus tôt. Tous les moments, tu sais, de blabla très long. Tu sais, les développeurs, ils se doutent bien que si tu fais FF New Treat, c'est que t'as déjà fait FF7, tu vois. Donc tu peux les passer, tu vois. Les persos te demandent si tu vas abréger certains trucs. Il y a un exemple, tu te souviens de la scène où tu dois faire du bouche à bouche? Ah, bien sûr, petite, elle a la gamine avec le dauphin, elle est tout, là. Ah. Voilà, et ben, tu sais, le peu de trucs chiants qu'il y a dans FF7, en fait, c'est cuté. Tu le fais une fois, c'est bon. Parce que, justement, bon, moi, FF7, ça reste vraiment un de mes préférés, et je l'ai je l'ai pas refait autant de fois qu'FF6, bon ça c'est sûr, mais par contre je l'ai refait régulièrement, et là j'avais racheté, parce que bon FF7 oblige quand même, quand il était ressorti sur le PSN là, donc c'était l'année dernière. Ouais c'est la version PC. Hein. Voilà, et du coup t'as des petites astuces de triche en fait sur des touches oui, de la manette, oui. Tu peux accélérer le jeu, bon tu peux te mettre tes limites quand tu veux, tu peux squeezer les combats, bon plein de choses voilà. Et moi j'avais adoré redécouvrir le jeu comme ça, puisque comme j'avais l'habitude de le refaire tout le temps, on va dire à l'ancienne, justement tu te rends compte, les années passant qu'FF7 il y a quand même quelques passages qui sont bien relous. Ouais, et puis surtout il est trop facile quoi. Et il est vraiment trop simple. Alors il est trop facile, et moi surtout un des passages que j'avais adoré squeezer en mode accélération, t'as une mission obligatoire en sous-marin à un moment donné, oui. Qui à refaire, je trouve, est, pff, est, ah, oui, est ouais, hyper ouais. laborieuse. Bah, là je suis pas très loin là, tu sais, je suis arrivé au Gold Saucer. Et sans déconner, c'est un jeu que je connais quand même par cœur, je peux pas m'arrêter quoi. Je ne joue qu'à ça le matin, quand je me lève, je me fais une petite heure, tu vois, avant de bosser, en prenant le café. Je peux pas jouer à un autre jeu, c'est pas possible quoi. Ah, faudrait que je me lance dessus. Hein. Et pourtant, tu vois, c'est un jeu que je connais par cœur, qu'on a fait des tonnes de fois. Ah bah ça... Mais là, j'ai tellement l'impression de le redécouvrir, tu sais, tous les moments où tu te dis « Ah, ce serait bien quand même que là, ce soit pas pareil », c'est pas pareil. En fait, c'est quasiment jamais pareil. C'est dingue, ils ont pensé à tout quoi. Tu vois, par exemple, tu peux, si tu veux, ne pas mettre la musique des combats. Parce qu'on l'a tellement entendu. C'est-à-dire que quand tu joues, en fait, quand t'as un combat, t'as la musique encore du terrain. Ah, c'est bien ça. Tu vois, mais en fait, tu peux choisir vraiment. Enfin, c'est bien ça. Bah, il faudrait que. Assez dingue tout ça. Bon, là, c'est vraiment juste un aspect cosmétique, mais vraiment en termes de cutscene, tu vois, par exemple, un truc tout bête, à un moment donné, je traverse un pont. Pour arriver à Corel, donc c'est juste avant d'aller au God Saucer, j'avais Yuffie dans mon équipe, hop, les persos se sont arrêtés, je fais « qu'est-ce qui se passe ?» Et t'as Cloud qui dit à Yuffie du genre « arrête Yuffie, c'est toi qui fais bouger le pont, tu refais ça encore une fois, ça va mal se passer, puis tu sais, elle déconne, elle arrête pas de sauter. » t'as des scènes partout, t'as des trucs rajoutés partout. Ah, c'est vraiment un super boulot de fan, quoi, vraiment. Ah ouais, franchement. Bon, bah il faut vraiment que je me jette dessus, on va le conseiller à tous. Je suis désolé, ouais. on va enchaîner parce que. Ouais, vas-y. Ouais. Là, on a bien été trop long. Mais bon, bah, je vais vraiment regarder ça parce que ça. Redécouvrir FF7 sous cet angle-là, c'est. Ça doit être assez génial. Moi, je vais être très rapide. En fait, c'est que j'en ai plein le cul de ceux qui hurlent sur les réseaux sociaux au scandale suite à l'annulation, à l'interdiction plutôt, du remake de Metroid 2, donc, qui a été fait par des fans. Alors, ok, ils ont mis 4-5 ans à le faire. C'est magnifique. C'est clair que quand tu vois une séquence ou un screen, t'as envie d'y jouer. Ouais, j'ai commencé à y jouer. Voilà, moi j'ai pas le temps de le récup, mais... Non, c'est du travail de pro. Hein. Voilà. Mais Après, c'est au bon vouloir des éditeurs de laisser ce genre de remake sur le net ou pas. Il faut se rappeler quand même que tout ça, ce sont des IP, ce sont des propriétés intellectuelles qui appartiennent à des sociétés, à des créateurs, et il est tout à fait normal que les dites sociétés veulent un contrôle total sur leurs IP. Enfin, moi, ouais, je trouve ça tout à fait normal. Donc, je peux. Les Japonais, faut savoir que les Japonais, ils déconnent pas avec ça. Non, mais c'est surtout qu'il y a eu tellement d'antécédents. Ce n'est pas la première fois. Moi, je ne comprends pas que certains se lancent encore dans ce genre de projet. Je suis un peu méchant là, mais parce que oui, c'est super. Mais vu le talent qu'ont les gars, autant qu'ils fassent un jeu original. Ah, ouais. Vois, bah, voilà. Là, ils ont juste perdu du temps et du pognon. Ils ont fait plaisir aux fans, effectivement. Mais là, faut qu'ils reprennent leur moteur, qu'ils le restinent. Mais carrément, parce que... Et qu'il l'appelle autrement. Il y a eu tellement d'antécédents, tellement d'interdictions, que ce soit par Sega, par Nintendo ou d'autres. Ah ouais. Alors parfois, il y a des arrangements qui sont trouvés, effectivement, comme Capcom, qui avait laissé une... je crois que c'était une sorte de Street avec des sprites de Megaman, il me semble. C'était pour l'anniversaire de Megaman ou de Street, je ne sais plus. Parfois, ça arrive. Mais les trois quarts du temps, il y a une interdiction. Il faut arrêter de crier au scandale quand cela arrive. Puisque ces mecs-là, ils touchent à des propriétés intellectuelles. Ils reprennent des assets, ils reprennent un jeu qui est sous contrat, enfin qui est sous couvert d'une propriété intellectuelle. Donc moi, ça m'énerve. Qu'on soit déçu, je peux tout à fait le concevoir, mais on ne fait pas n'importe quoi avec des licences qui appartiennent à des boîtes. Après, bon, il y a aussi un autre truc, c'est que le fait de l'interdire, c'est un peu débile, quand même, parce que tu sais, t'as l'impression que Nintendo ou Sega, parce que c'est quand même eux, hein, généralement, qui shootent le plus rapidement et le plus violemment, tu sais, c'est comme s'ils connaissaient pas Internet, quoi. Mais c'est trop tard, c'est uploadé, maintenant c'est partout, même si. Oui, mais voilà. Ça limite, ils savent très bien, non, mais ils sont pas bêtes. Ça limite à peine, franchement. Moi, je l'ai, le fameux Street of Rage, là, fait par des Espagnols. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, bien sûr. Qui est du coup le meilleur épisode de la série, hein, parce que ça reprend, tu sais, les mécaniques du 2 en les améliorant avec tous les niveaux de tous les épisodes, tous les persos. Enfin, bon, bref, c'est. Ah, moi, j'avais arrêté en cours de route parce que je préfère jouer aux épisodes originaux. Mais c'est vrai qu'il est vachement bien. Ouais. Bah, c'est un putain de chef-d'œuvre ce jeu-là, et c'est pareil, tu vois, ils l'ont shooté, mais tu le trouves facilement quand même. Donc, c'est un peu débile. Bah. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas ça débile parce qu'il faut montrer qu'on est là et qu'on fait pas n'importe quoi, tu vois, avec les licences qui t'appartiennent. Donc moi personnellement, ouais, je trouve ça normal. Alors, Contre, monter un site, par exemple, autour de ça. Tu vois, tu montes un site internet autour du remake de fans, etc. Tu mets un truc PayPal à côté, du genre, ouais, faites-nous des dons pour qu'on continue, etc. Bon, là, c'est normal, tu vois, enfin... Bah là, il faut arrêter deux secondes, quoi. Donc voilà, moi, c'était mon petit coup de gueule. On va vite enchaîner donc avec notre super sujet de la mort, donc, qui est donc les adaptations de jeux d'arcade sur Atari ST et Amiga. Car même si l'arcade perfecte pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça n'a aucun mystère et c'est pas quelque chose que les plus jeunes ont attendu. Pour les vieux cons comme nous qui jouaient dans les années 80 et début 90, l'arcade perfecte ça n'existait pas ou alors très peu. Ouais, quasiment. Alors sauf sur Neo Geo bien sûr, mais il fallait posséder une Neo Geo et puis aimer les jeux de baston. Voilà, et aimer les jeux de baston particulièrement. Même s'il y a eu d'autres choses sur Neo, mais bon, faut pas se mentir quand même. Les trois quarts, ouais. C'est quand même des jeux de baston. Ouais. Et voilà, donc on avait envie de parler de ce sujet-là, puisque il y a eu des adaptations qui ont été vraiment flamboyantes, qui sont restées dans les mémoires, d'autres qui ont été un petit peu scandaleuses. Donc on va peut-être commencer par celles qui nous ont le plus marqué plus, quand même, en bien. Alors je sais pas, juste tu veux commencer si t'as un titre en tête. Toki. Hein. Ah bah Toki, c'est. Toki, en fait, en plus, moi je me souviens de ça à Paris Nord quand on était petit. Donc Paris Nord qui était une galerie marchande dans le 93. Enfin, un grand centre commercial quoi dans le 93. Ouais. Le Nez-sous-Bois. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, proche d'une des sorties, mais j'étais petit, c'était vraiment il y a longtemps, il y avait Toki en arcade. Oui, je me souviens très bien. Il y avait Pac-Man aussi. Ouais, et je me souviens, tu sais, tu le voyais monter des lianes avec le niveau avec les grandes cascades d'eau là, derrière, et j'avais trouvé ça, mais complètement ouf. À l'époque, Ça m'a vraiment, enfin, ça m'avait donné vachement envie d'y jouer, mais bon, on n'avait pas le temps. Je crois que c'était genre papa qui achetait des clubs ou un truc comme ça, puis on séparait, quoi. Mais je m'en suis souvenu encore. Et puis quand on l'a eu ensuite sur Amiga ou Atari en premier, je me souviens plus. Ah non, on l'a eu sur Amiga. Ouais, sur Amiga. Et quand on l'a eu sur Amiga, c'était, j'avais qu'une envie, c'est d'arriver à ce niveau, en fait, avec les cascades d'eau et les lianes. Ouais, c'est un des plus beaux niveaux du jeu et Dieu sait qu'il est superbement bien rendu. Faut juste rappeler que Toki, c'est sorti, donc c'est Océan qui l'a édité. Ouais. C'est des Français qui se sont occupés de l'adaptation arcade. D'ailleurs, on voit leur visage à la fin de. Ouais, dans le staff. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans la version arcade originale, donc japonaise, de Toki, on voit le visage des devs. Jap dans le générique de fin. D'accord, je l'ai jamais fini en arcade, donc. Voilà, bah moi je. Bon, j'ai la chance, je sais pas pour ramener encore sur ma borne, mais. Quoi, tous les épisodes, tu le dis, donc c'est bon maintenant. Voilà, voilà. Non, mais pour ceux qui nous découvrent, tu vois, j'en remets une petite couche. Mais. Ouais. Non, mais bon. Je l'ai terminé sur la borne, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait les visages. Des développeurs. Voilà, et c'est là que j'ai vu que. Des Chinois. On en a. Des Chinois. C'est un jeu chinois. Et c'est là que j'ai vu qu'il n'était vraiment pas évident à terminer, parce que sur Amiga, on avait vraiment mis beaucoup de temps à le maîtriser. Ouais. Et en arcade, pareil, il faut vraiment s'accrocher. Donc je disais, donc voilà, c'est des devs français qui s'en étaient occupés. Occupés, ouais. Et je crois que c'est l'une... Enfin, moi, quand on me parle d'adaptation d'Arcade Perfect sur Amiga ST, c'est pareil, c'est Toki qui me revient toujours... Puis en plus, je sais pas si tu te souviens, les versions Mega Drive et NES, c'était pas les mêmes niveaux. Non, c'était dégueulasse. La version Mega Drive, c'est une catastrophe. Ouais, c'est un autre jeu. Vert, c'est marron, c'est. Bah, c'est très terne. Et alors déjà, les grandes qualités de la version Amiga, c'est que visuellement, il est très très très très très très proche de la version arcade. Ouais, c'est clair. Vraiment extrêmement proche. Alors certes, avec une fenêtre de jeu réduite. Comme on avait souvent ça sur micro pour que ça puisse tourner à peu près correctement. Mais il avait un avantage, enfin cette version avait un avantage sur la version arcade, c'était ses musiques. Eh oui, elles sont vachement bien sur Amiga, elles sont bien meilleures que sur... Alors bah, c'est même mieux que ça, c'est que déjà au niveau échantillon sonore, bon elles sont meilleures sur Amiga, même si en arcade déjà elles sont très très belles. Mais par contre, t'as carrément des thèmes... originaux qui ont été créés pour la version Amiga. Oui, parce que tu sais, le niveau, ça commence où t'as un strum avec un canon là, qui tire des boulets là, je me souviens. Ah bah, c'est le deuxième niveau ça. C'est le deuxième niveau. C'est pas la même musique. Ouais, exactement, c'est pas la même musique, et en arcade, c'est la même musique que le premier, je crois. C'est. La... Ou une autre que tu retrouves ailleurs, je sais plus, mais. T'as plein de musiques qui sont différentes. Par exemple, en fait, dans la version arcade, si je dis pas de bêtises, t'as souvent les 2-3 mêmes thèmes qui reviennent en fait. Ouais. Au fil du jeu. Il me semble bien sur Amiga, ouais. T'as un thème original par niveau. Et par exemple, le thème de la. Un des plus beaux thèmes de la version Amiga qui est celui de la grotte de feu, enfin du volcan, ouais. Du cratère, du niveau de glace aussi, etc. Ce sont des thèmes originaux. Celui sur le chariot à la fin, j'imagine. Voilà, qui est absolument sublime. C'est une des meilleures. Hein. Et donc, la BO a été améliorée. Visuellement, il est très très proche de l'arcade, même si effectivement on n'a pas exactement le niveau de détail, mais franchement, c'est très bluffant, c'est très très proche. Ouais. Ça tourne très très bien. L'animation, tu parlais de ce fameux niveau avec les cascades, donc si je me souviens, c'est carrément l'avant-dernier niveau, tout simplement. Ah bon ? Ouais, c'est l'avant-dernier. Celui des cascades, c'est celui après où t'as le boss avec les deux mains et les deux pieds là. Ah, bah, c'est l'avant-boss de fin, ça. Et après, t'as le palais. Musicien. Bah ça, après, t'as le dernier niveau, tu sais, dans le palais céleste, qui est très doré avec les chevaliers, etc. Puis t'as le boss de fin qui t'a... T'as une séance en chariot, et puis t'as le boss de fin qui t'attend à la fin. C'est ça. Et en fait... il t'attend toujours à la fin. Le boss de fin, en général... On t'attend à la fin. En général, on t'attend à la fin. Et c'est vrai que je préfère toujours bien préciser les choses pour les plus jeunes. Et donc, c'était une adaptation vraiment fabuleuse, Toki. Parce que j'ai perdu le fil. Donc, ce niveau avec la cascade d'eau, voilà, qui est l'avant-dernier, sur Amiga, l'animation de la cascade était tout aussi fluide qu'en arcade. Les couleurs, elles pétaient, elles étaient hyper, hyper vives. Magnifique quoi, enfin avec un contraste vraiment c'est la meilleure adaptation, un petit peu poussé mais très bien réglé. Ah mais c'est Bref, c'est enfin... de très loin la meilleure adaptation. Bah, c'est pas le jeu du siècle, mais la meilleure adaptation est sur Amiga, quoi. Ouais, et puis bon, bah, le jeu original reste vraiment très sympa. Si vous ne connaissez pas Toki, jouez-y. Par contre, soit en version arcade, soit en version Amiga. Voilà, choisissez votre émulateur. Bah, les autres, c'est pas les mêmes jeux, donc. Oui, c'est vrai que sur Mega Drive, c'est un peu incompréhensible, c'est qu'il y a. Et sur NES aussi, ils ont pris le même perso, puis ils ont fait d'autres niveaux. Plus Mario, entre guillemets, tu sais, avec des blocs et tout, mais c'est nul, ça fonctionne pas. Enfin, C'est bizarre. C'est pourri, quoi. Enfin, on est très loin du jeu original. Tout ça pour dire qu'on avait très très peu d'arcade perfect à l'époque, mais celui-là nous avait vraiment marqué. Alors, il n'est pas arcade perfect, bien sûr, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus hein, sur Amiga, avec un certain Rainbow Island et Games. Lui, c'est arcade perfect celui-là. Tous les cute games de Teto, qui en général étaient adaptés par Océan. Et qui était... c'était un peu l'étolier. Hein, au niveau de l'adaptation, arcade, c'était vraiment. On pouvait acheter une adaptation Océan quasiment les yeux fermés. Parce qu'en général, vraiment, il y avait un bon boulot derrière. Et c'est vrai que Rainbow Island, Bubble Bubble, The New Zealand Story. Je suis pas d'accord pour The New Zealand Story, mais en tout cas, pour Bubble Bubble et Rainbow Island, si. Là, on est vraiment, sans déconner, c'est quasiment le même, quoi. Enfin, les différences, c'est sur des détails, quoi. Genre la couleur du perso quand il clignote, quand il réapparaît, tu vois, quand tu perds une vie. Peut-être 2-3 palettes ou éventuellement la taille de quelques boss, tu vois. Peut-être. Je dirais que l'hélicoptère, dans mes souvenirs, c'est le deuxième niveau, là. Le boss du deuxième niveau, en arcade, il est un peu plus gros, je crois, que sur Amiga. Mais ça bouge tellement bien, les couleurs sont tellement fidèles. Ouais, Bubble Bubble, c'est le même. C'est exactement. Alors, c'est marrant parce que New Zealand Story, qui est un de mes préférés, pourtant, c'est vrai que j'ai plus joué à la version arcade ces dernières années, bien sûr. Ben voilà, déjà. J'ai plus trop de souvenirs de la version Amiga, en fait. Elle me semblait parfaite à l'époque, mais je ne l'ai pas relancé récemment. Tu joues dans une petite fenêtre, c'est quand même vachement moins fluide. Mais avec la version PC Engine. Ça reste elle fait partie des meilleures conversions avec la version PC Engine, quoi. Une fois de plus, hein, généralement, les meilleures conversions arcade, c'était PC Engine ou Amiga, si c'était Océan, hein, qui s'en occupait. Ouais. Sur PC Engine, il y avait énormément. Ah, bah, pareil, c'est le même. Franchement, c'est le même qu'en arcade, quoi. Donc, peut-être, hormis les sons et quelques détails, mais tu vois, même la cutscene de début sur Amiga, elle est quand même vachement moins belle. C'est beaucoup plus petit. Et. T'as des passages secrets que t'as pas sur Amiga aussi, que t'as en arcade, des raccourcis, et il y a même des niveaux en arcade, je crois, que t'as pas sur Amiga. Des niveaux trop durs. Alors ça, je ne savais pas. Oui, parce qu'il est extrêmement long. Tu sais, en arcade, t'as beaucoup de niveaux où c'est très très grand, c'est des aires d'exploration très grandes, et tu sais, t'as que des petits carrés pour sauter. Tu vois? Ah oui, ils sont même hyper ardus. Avec des pics partout, tu sais, des boules de pics là où faut passer entre et tout. T'as plein de trucs comme ça en arcade, particulièrement vers la fin du jeu. Sur Amiga, tout ça, ça saute. Moi, dans mes souvenirs, ça sautait, hein, en tout cas. D'accord. Parce que je sais que sur Amiga, on l'avait déjà terminé, et c'est avec. C'est le cheat code où tu peux traverser les ennemis. Là, en fait, tu meurs jamais, quoi, depuis qu'elle est à la fin du jeu. et je l'ai fait en entier en arcade, et je me souviens que vers la fin en arcade, je me suis dit, mais. Il a pas de fin, ce jeu. Il se terminait pas, quoi. Et c'était que des niveaux que je connaissais pas, quoi. Ah, mais il est immense. En fait, moi qui ai jamais réussi à le terminer. il est trop long. Il est beaucoup trop long. Même sur ma borne, en fait, j'ai jamais eu le temps, en fait, parce qu'à chaque fois, c'était le soir, fallait bouffer, fallait bosser. J'ai jamais eu le temps, en fait, de le finir, même sur la borne. Il est interminable. Et j'ai voulu voir la fin, donc j'ai regardé sur YouTube un super play. Ouais. Mais c'est le skill. Que demande ce jeu? Enfin, c'est. Ah ouais, non. Bon, Teto, déjà, pour vraiment déjà avoir les vraies fins, genre Rainbow Island, je sais pas si tu te souviens, pour avoir la vraie fin, donc en jouant à deux, en prenant les diamants dans un certain ordre. Bah, c'est dans le bon ordre, en fait. C'est de gauche à droite, là, quand ils apparaissent en bas de l'écran. C'est déjà pas évident, mais là, New Zealand Story, il est. Et tu sais comment faire apparaître les bonnes couleurs? Les diamants? Ah, oh, je le savais, mais j'ai oublié. Je t'avoue, franchement, je le savais, mais j'ai oublié. L'écran, en fait, il est virtuellement divisé en 7, verticalement. Et chaque segment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est une couleur de l'arc-en-ciel. Un titre de diamant. Ah. Dans le bon ordre, en fait. tu vois, rose, violet, bleu, bleu ciel, enfin cyan donc, vert, jaune, orange, rouge, de gauche à droite. D'accord. Donc il faut réussir à péter un ennemi, tu sais, en l'écrasant ou avec des étoiles. Dans une portion d'écran particulière. Dans une portion d'écran, et là, tu auras la couleur que tu cherches. Donc, tout à droite, ce sera un rouge, par exemple. Ou un violet, je sais plus. Enfin, l'ordre, en tout cas. Ok, bah, je m'en souvenais vraiment pas de ça. Tu vois ? Et c'est comme ça que tu peux les avoir. Par contre, c'est pas en deux joueurs pour Rainbow Island. Tu confonds avec Bubble. Ah, avec Bubble Bubble, pardon. Bah oui, je suis bête. Bah, en fait, dans Rainbow Island, il faut tous les diamants dans tous les niveaux dans le bon ordre. Il faut terminer les niveaux en prenant les diamants dans le bon ordre. Ok ? Après, ça te fait une sorte d'étoile, je sais plus quoi, le niveau, tu sais, quand tu passes genre du niveau 1 au niveau 2, t'as un dessin spécial ou un son, tu vois, sur l'île que t'as terminée. Et par contre, effectivement, Bubble Bubble... Oui, il faut être à deux, oui, c'est ça. Il faut être à deux, et il me semble qu'il y a un item à avoir. Oui, parce que c'est dans Bubble Bubble qu'il y a une salle secrète à décrypter, il y a un code, enfin il y a un message à décoder dans une salle de Bubble Bubble. C'est des jeux qui sont blindés de secrets, quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le créateur de Bubble Bubble qui voulait ramener les... Un peu comme Suzuki voulait le faire à l'époque, il voulait ramener les familles et les couples dans les salles d'arcade au Japon qui étaient au début... qui était fin 70, début 80, assez mal famé, quoi. En fait, c'est pour ça que dans Bubble Bubble, t'es obligé de terminer à deux le jeu pour avoir la vraie fin, puisqu'il voulait vraiment inciter les gens à y jouer en couple, en fait. D'accord, donc, j'avais fait un gros dossier sur IG, dans IG, sur les Cute Games de Teto. D'accord. Et en fait, en épluchant pas mal d'interviews du créateur, c'était vraiment son intention, quoi. Et il fait partie à l'époque, d'une nouvelle génération de créateurs au début des années 80 qui voulaient vraiment rendre les salles d'arcade beaucoup plus familiales, en fait. Okay, et juste finir avec les Cute Games de Teto pour vous indiquer un jeu que j'ai du mal à dénicher, moi, il y a quelques années déjà. Tout le monde a oublié. On l'a même pas vu passer, je pense, mais il y a eu un New Zealand Story sur DS. Oui, qui est très très bien, que je me suis procuré donc il y a quelques années de ça. Je crois que ça doit faire 3 ou 4 ans, qui est vraiment très bien, puisqu'il reprend la formule originale, mais en ajoutant plein de petites options, des petites features de gameplay rigolotes. D'accord. Et ça ne vaut pas le jeu original, mais c'est un peu, comme tu disais en début d'émission pour FF7, c'est comme on dirait un mod, en fait, sur le jeu original, quoi. D'accord. Donc c'est assez intéressant, vraiment. Je ne sais pas s'il est facile à trouver, mais moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir le trouver en boîte. Il y a un autre jeu de Teto que tout le monde oublie. Ouais. Il y a un autre jeu, hein, que tout le monde a oublié, de Teto, qui est super et qui est pareil, très très bien adapté sur Amiga, c'est Plotting. Exact, le jeu de réflexion. Ouais, c'est bizarre que tout le monde en a rien à foutre de jeu. Bah nous, il nous avait vachement plu à l'époque. C'est un puzzle game, ouais, avec des blocs, tu diriges une sorte de slime avec des petits yeux. Bah une créature typiquement mignonne à la Teto, ouais, quoi. À la Teto, tu sais, avec les yeux tout droits, là, tout haut, et puis tu balances des blocs. La bestiole était à gauche de l'écran, si je me souviens. Ouais. Et il fallait lancer donc des blocs sur le côté droit. Voilà. Et faire des chaînes, si je me... Ouais, en fait, c'est genre, t'as cœur, pique, t'as un point rouge aussi. Enfin bon, t'as des blocs de forme, ça aurait pu être remplacé par des couleurs, tu sais, ça aurait été pareil. En fait, quand tu balances un bloc sur un bloc de même type, tu le détruis, mais en plus de ça, tu récupères le bloc qui est derrière lui, en fait. C'est ça. Ouais, mais j'avais, en fait, si le bloc est différent derrière, tu le récupères. En fait, ouais, et du coup, il y a beaucoup de stratégies, quoi. À savoir ce que tu prends en premier ou pas, parce que après, ils tombent, tu sais, si tu prends des blocs qui sont plus bas dans la pile, les autres tombent, etc. Donc, ça permet ensuite de créer des patterns où tu pourras faire des chaînes. C'est très complexe. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un éditeur de niveau et on pouvait jouer à deux en même temps. Enfin, oui, il y avait un mode duel. Il y avait un mode battle, quoi. Et c'est... Bah, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est tombé complètement dans l'oubli. Ouais. Qu'à l'époque... Ben, je me dis que s'il avait été adapté, c'est qu'il devait avoir son petit succès quand même dans les salles. Ouais, bah oui. Et puis l'adaptation, bah pareil, à part Océan sur Amiga, était parfaite. Alors vous inquiétez pas, hein, si vous êtes fan d'Atari ST, on va parler d'Atari ST aussi. Ouais. Mais avec un gros morceau sur Atterrister. Oui, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai que Plotting, ouais. C'est excellent jeu, quoi. Il y a des jeux comme ça, hein, qui passent telle une étoile filante, mais qu'on beaucoup oublie. Et bah, tu sais, c'est un petit peu comme on parlait de, dans un des précédents numéros de Thunder Fox, quoi. Ouais. Le jeu qu'on avait mis des années à rechercher. Pas plus tard qu'hier, je l'ai fait découvrir à mon fiston. Là, on a fait une partie, donc. L'avantage des crédits infinis, c'est que on peut le finir sans problème. Et je persiste à dire que c'est un des meilleurs jeux d'action de son époque, mais bon, il est passé comme ça. Il y avait une telle profusion de titres après que seuls les titres stars après surnageaient, quoi. Mais c'est ça. Après, peut-être qu'il a eu son succès au Japon, mais on ne sait pas. Hein. Ah ouais, difficile de savoir l'impact effectivement qu'il a eu. Ah. En Europe. Mais bon, en Europe, il est pas, il est passé les un peu inaperçu. Les jeux vidéo, c'est pour les enfants, Bruno. Donc ils l'ont dit sur TF1. Bah oui. Et du coup, bah écoute, je sais pas qui lance un nom, qui. Bah vas-y, toi. Moi, j'avais lancé Toki, donc. Bah écoute, j'aimerais bien qu'on attaque un des gros morceaux de la liste. Alors quand je dis gros morceau, c'est qu'il y a une petite anecdote sympa qui va avec, qui est celle de R-Type. Ah ouais. Alors, R-Type, on va pas vous faire l'affront de vous représenter ce shoot totalement novateur à son époque. Ah, c'est clair. Qui a. Enfin, c'est vraiment un. Même hors shmup, c'est un des jeux les plus novateurs de l'histoire du jeu vidéo japonais, puis en général, ah, de oui, toute façon. En général, même, oui. Donc, R-Type, qui effectivement a fait un tel carton quand il a déboulé en salle que. Bah, tout le monde voulait son adaptation. Normal. Oui. Donc, normal, on l'a vu. Un peu partout, donc shoot d'IREM, hein, est-il besoin de ouais. le rappeler. Et du coup, pendant ce temps-là, depuis quelques années, en Allemagne, donc il y avait un gars qui s'appelait Manfred Strenz, le futur papa de Turrican, qui adorait copier les standards japonais pour en faire des clones sur Commodore 64. Voilà. Il faut rappeler que ce mec-là, avant d'être célèbre pour Turrican, c'était... C'était un plagieur. C'était un plagieur et c'était un... Mais talentueux. Un des... Enfin, certains même disent que personne sur Terre... alors, il y en avait d'autres, j'imagine, mais je pense pas beaucoup. Alors, après, ceux qui sont hardcore sur le Commodore 64 nous diront ça, mais d'après moi, les archives que j'ai lues, c'était vraiment le roi du Commodore 64, parce que personne ne savait autant maîtriser la machine que lui. Il faisait vraiment ce qu'il voulait. Et c'est vrai que quand on voit... Même les derniers jeux qu'il a donné à la machine, on se demande comment ça peut tourner dessus. Enfin, bon, c'est clair. C'est assez fou. Et en fait, donc en bon amateur de jeux japonais qu'il était, il a voulu faire son R-Type sur Commodore 64. Donc il avait nommé Katakis à l'époque. Et donc bah, c'est un shoot sur Commodore 64 qui reprend vraiment, c'est un copier-coller en fait d'R-Type, c'est-à-dire... Il reprend le système du module donc, qui peut s'accrocher devant le vaisseau et se séparer, qui était une des innovations d'R-Type. Il reprend l'idée du laser beam, c'est-à-dire quand on hold le bouton de tir, qu'on fait, de faire une charge et de lancer une grosse salve de laser. Enfin, il reprend à peu près tout. Au niveau du level design, ça ressemble beaucoup. Enfin, voilà. Donc, procès avec Activision, parce qu'il faut savoir qu'Activision, à l'époque, c'est lui qui avait décroché les droits d'adaptation micro d'R-Type. Ouais. Donc, bien sûr, Activision voit ça, il fait retirer le jeu tout de suite. Ouais. Voilà. Dégagez-moi ça. Sachant que Katakis, entre-temps, il avait été adapté sur Amiga. Au bonnet de Brevis. Katakis avait été adapté sur Amiga par Factor 5. Donc, ouais. Voilà. Donc on ne présente plus non plus, je pense. Bah, ils sont morts, donc nous on va plus les présenter. Hein. Voilà. Enfin bon, voilà, c'était l'éditeur d'énormément de hits de seulement de Bad Front Strands, mais aussi de pas mal d'autres jeux Amiga assez géniaux. Et du coup, faut savoir que Activision, ils galéraient à faire R-Type. On est fatigué, hein. R-Type. Ouais, comme à l'époque, tu sais. Je me souviens, on disait R-Type. Comme on disait Rainbow Island à l'époque. Oui, elle est à l'école, elle est à la disquette, voilà. R-Type. Voilà. Et Shadow of the Best, voilà. au lieu de Shadow of the Beast. Hein. L'ombre du meilleur. L'ombre du meilleur. Ouais, ça pourrait faire un titre de film de castagne, c'est assez génial. Bref. Ouais. Et du coup, Activision galérait donc à adapter R-Type sur Amiga. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils se sont retournés sur Factor 5. Ils ont été demandés à Factor 5 de faire l'adaptation Amiga d'R-Type, alors que peu de temps avant, Kataki, c'était alors que peu de temps avant, ils les avaient traînés devant les tribunaux. Donc c'est assez, je trouve, une ironie du sort qui est assez. Je pense qu'ils chez Factor, moi je dis Factor 5, hein, ils ont dû bien bomber le torse. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Parce qu'en fait, Activision n'y arrivait pas. C'est que j'aime comme Nelson là, avec le doigt. Exactement. C'est trop ça, quoi. Et tout ça pour dire que R-Type sur Amiga, il était vachement bien, quoi. C'est quasiment une des meilleures conversions, une fois de plus, avec la version PC Engine, qui est identique à l'arcade. Bah, pour le coup, putain, sur PC Engine, c'est... Oh, et franchement, c'est quasiment le même. Hein. Tu l'as fait sur PC Engine ou pas? Non, j'ai jamais fait sur PC Engine. Ah la vache, putain, c'est impressionnant. En fait, il est tellement identique qu'il est carrément en deux parties. Je me souviens ça, il l'avait sorti en deux U-card, c'est ça? Ouais, t'as la part 1 et la part 2. Ouais, je me souviens de ça. T'es obligé parce que en fait, le jeu rentre pas entièrement dans une U-card. Les sprites ils sont énormes. Enfin, bon, bref. Alors, sur Atterristé, je me souviens pas qu'on l'ait essayé. Non. Donc, ça, je m'en souviens pas. Enfin bon, voilà, c'était la petite anecdote. Si tu veux lancer un autre blaze. En conversion Amiga, moi c'est, enfin la conversion Golden Axe, elle est assez bonne. Et d'ailleurs, je préfère la musique sur Amiga, moi. Encore une fois, hein, d'ailleurs, hein, vu que les échantillons Amiga étaient. Sur Amiga, au niveau sonore, c'était tellement en avance. Voilà, c'était la machine la plus en avance sur son temps au niveau sonore. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est clair. Clairement. Je suis très attaché à la musique de la version arcade aussi, avec sa sonorité si spécifique. Et la version Mega Drive était très bien, mais bon, on fait pas une spéciale Mega Drive, donc non, on va pas s'éterniser. C'est une excellente conversion. Je préfère la conversion Mega Drive quand même, mais c'est une excellente conversion sur Amiga. Sur Mega Drive, c'est mieux. On va dire que c'est les deux meilleurs parce que quand tu prends la conversion, je crois Master System ou des trucs comme ça, la vache, ça donne des sueurs froides, quoi. Donc, la version Amiga, très bonne, pas censurée. Non, franchement, rien à dire. Les menus, ils ressemblent vraiment aux menus de la version arcade. Moi, je sais que quand j'étais petit, les menus du premier Golden Axe me fascinaient. Tu sais que le squelette qui tient les personnages dans ses mains. Ouais. Voilà, tout ça. T'avais toutes les petites cutscenes, tu sais, comme en arcade là, entre les niveaux. Enfin, faut. En fait, c'est vraiment à noter parce que à l'époque, les conversions arcade ou les conversions de jeux console sur Amiga, t'avais plein de bouts du jeu, tu sais, qui sautaient. T'avais plein de choses qui sautaient. Même des transitions, parfois. Ouais, c'était fait à l'arrache et tout. Et là, vraiment, c'est un portage très consciencieux, tu vois. Le moindre truc, même la police et tout. Les petites cutscenes avec les lutins. D'ailleurs, qui a été repris dans Shovel Knight. C'est à chaque fin de niveau, il s'endort devant un petit feu de camp. Et ça fait vachement penser. Enfin, moi, ça m'a fait tout de suite penser à Golden Axe. Ah, sérieux, ils ont mis ça? Je pense que c'est une référence directe. Hein. Moi, j'ai pas joué à Shovel Knight et je voulais mettre ça dans un jeu, là. Ah, oui, mais enfin, en même temps, le coup du feu de camp, ça a tellement été utilisé, je vais te dire. Ouais, en fait, dans Shovel Knight, ce qui se passe, c'est qu'à la fin d'un niveau, t'es genre, tu dors dans un feu de camp et puis t'as une séquence de rêve, en fait. Il rêve et puis tu dois attraper quelque chose. Moi, je vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mais... D'accord, je ne l'ai pas fait. Moi. Voilà, tu dois attraper quelque chose, machin, pendant ton rêve. Et puis après, tu te réveilles et puis voilà, tu pars. Ok, d'accord. Mais oui, tu as raison de dire que ça coupait. Moi, je me rappelle qu'il y a parmi les coupes qu'il y avait dans certaines adaptations sur micro, moi, j'adorais. J'étais. Enfin, tu vois, maintenant, ça, c'est plus coupé du tout. Mais il y a un truc. J'étais très pointilleux sur les transitions dans les niveaux. Par exemple, dans un Final Fight, tu vois. T'as des transitions où les persos ils pètent des portes, genre avant d'aller dans le métro, ils descendent un escalier. Ce genre de scène, et pas que dans Final Fight, dans plein d'autres jeux d'arcade, quand ça arrivait sur micro, parfois ça coupait, c'est-à-dire le perso s'arrêtait, t'avais un fondu, tu passais au niveau d'après, et ben ça m'énervait de pas voir ces petites scénettes là qui pour moi étaient très importantes en fait. Et ben mais en fait c'est important pour tout le monde, c'est comme si tu retirais l'assaisonnement dans un plat, quoi. C'est pareil. Les grands jeux, tu les reconnais aussi dans leur sens du détail. Voilà, les détails. Et c'est de la mise en scène, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, c'est essentiel pour le lien dans un jeu du début jusqu'à la fin, pour pas te couper dans le flow. t'as un jeu, tu termines un niveau, t'as direct un fond noir, tu sais, tu sais pas trop pourquoi t'as un fond noir, tu vois pas le personnage faire quelque chose, pourquoi il disparaît, pourquoi il réapparaît ailleurs. C'est très important, les liens, enfin, de lier les scènes entre elles. Bah, pour les jeux d'époque, tu savais que tu passais au niveau suivant. Bon, tu vois, parce que t'avais le scoring en général qui s'affichait. Ouais, machin. Mais les japonais, les jeux modernes, enfin, attention, des années 80. Enfin, donc, à tes souhaits. À tes souhaits, Kelly. Les jeux dans les années 90 ont apporté ça. C'est aussi pour ça qu'ils étaient modernes par rapport à la génération précédente. C'est dans ces détails, justement, il y avait assez de place pour caser. Ce qui crée quelque part une petite histoire dans Final Fight, quand t'as Cody qui pète la porte du bar pour rentrer, qui descend les escaliers, qui rentre dans le métro, enfin tu vois, c'est génial. Ça raconte, mais moi j'appelle ça de la mise en scène. C'est que c'est de la mise en scène. Il a pas fallu attendre, enfin on n'a pas attendu les jeux 3D pour voir la mise en scène. Pour moi il y avait c'était clairement de la mise en scène, et y compris dans les jeux d'arcade. Et c'est, ça mettait un petit coup d'adrénaline aussi. C'est-à-dire que moi, je sais que quand on joue à Final Fight, il y a même des séquences que tu jouais toi-même de transition. Par exemple, dans Final Fight, quand tu avances et que tu pètes une porte, tu vois, pour rentrer dans le café, c'est important. C'est super grisant, en fait. C'est super grisant. Et c'est vrai que parfois, c'est des choses qui sautent. Ça te conditionne comme un écran de loading bien fait. Ouais, peut te conditionner. Ça électrise, quoi. Et t'es content. C'est ça. Voilà. Et du coup, voilà, quoi. Tout ça pour dire que souvent, dans les conversations micro, ce genre de détails, qui apparemment, pour beaucoup de développeurs occidentaux, étaient des détails qui servaient à que dalle, ça sautait. Oui, mais c'est parce qu'en fait, à l'époque, bon, maintenant, ça c'est. Voilà, l'époque a changé. Mais à cette époque-là, c'est vrai que. Il y avait que les Japonais pour avoir ce souci du détail-là, en fait. Ouais. C'est vraiment eux. Alors, tous ceux qui font du jeu vidéo aujourd'hui en Occident, qui ont ce même souci du détail, ils ont été nourris par cette génération de jeux japonais. Ben oui. Voilà, et ça se voit. Mais à l'époque, effectivement, il n'y a que dans les jeux japonais qu'on trouvait, et à de rares exceptions en Occident, mais c'était vraiment une signature japonaise mettre en scène les jeux d'arcade. Oui, voilà, les phases non jouables, dans les autres jeux, dans certains autres jeux occidentaux, n'étaient que des menus ou des transitions avec des fondus. Avec des textes aussi. Tout, hein. Voilà, ou avec des textes. Là, tout était mis en scène. Parce qu'en Occident, en dehors des point and click, au niveau mise en scène, les jeux d'arcade, on pouvait se toucher. Hein. Bah, c'est ça. Après, nous, en Occident, on a eu nos spécialités, où effectivement... Il y avait aussi un sens de la mise en scène. Et par exemple, tu prends Les Voyageurs du Temps. Oui, mais c'est un point and click. C'est un point and click. Et quand Paul Cuisset a fait Les Voyageurs du Temps, il a voulu amener un côté cinématographique qu'on ne trouvait pas avant. Et quand tu vois, dès l'introduction, que la soucoupe, d'ailleurs, qui avait été tous les graphismes avaient été faits par Eric Chahi, et les animations aussi, d'ailleurs... tu vois, ce côté-là, c'était spectaculaire pour l'époque. Bon, dans les jeux d'arcade japonais, toutes ces petites scènes de transition ou d'intro qu'on avait, c'était spectaculaire, quoi. Tu vois, en reprenant Rainbow Island, encore une belle conversion, on en parlait tout à l'heure, là, d'Océan. Tu vois, quand tu butes un boss, t'as le coffre qui tombe, le texte qui apparaît en même temps, le jingle, le coffre génial. S'ouvre. C'était magique, ça. D'item, alors que ça, ça aurait juste pu... Enfin, chez quelqu'un d'autre, ça aurait été du texte, quoi. Oui. Tu vois, ils te font jouer même pendant la transition, pendant le bonus. Enfin, les gens s'en rendent peut-être pas compte. Oui, puis t'essaies de dépêcher pour tout attraper avant qu'on passe au niveau d'après. Plus, ils ont mis un petit timer. Donc, en fait, voilà, il y a un flow continu. C'était un peu la marque japonaise. C'est le game flow, quoi, comme ce qu'on dit. Ça ne s'arrête jamais. Par exemple, un shoot'em up japonais, tu vois rarement le vaisseau apparaître sur l'écran et le scrolling tout de suite arrive automatiquement. Non, généralement, tu vois le décor qui avance et le vaisseau qui arrive très rapidement de la gauche et qui s'arrête petit à petit pour se caler dans l'écran. Et là, le joueur a la main ensuite sur les commandes. Tu vois, c'est tout bête, mais voilà, ça c'est typiquement japonais. Enfin, c'était typiquement japonais. Mais tu jouais par exemple un très bon shoot, hein, d'ailleurs. Européen, tu prends Z-Out ou X-Out, t'as le vaisseau qui est en plein milieu de l'écran dès le début. Oui, c'est marrant, c'est des choses qui n'avaient pas été intégrées. Pourtant, on parlait de Rainbow Hearts. Ça, c'est du polish, quoi. C'était sorti chez Rainbow Hearts avec des superbes musiques de Chris Husbeck, d'ailleurs. tu prends X-Out ou Z-Out, visuellement, musicalement, c'était à tomber. Ça reprenait tous les standards des... des jeux japonais. Bah, c'est surtout Z-Out qui prenait beaucoup d'airtype. Ouais. X-Out, c'était un peu un micmac de plein de choses, mais qui était très intéressant aussi. Ouais. Mais effectivement, t'avais pas ce côté... T'avais pas ce côté mise en scène. Tu vois, quand tu prends Awesome de Psygnosis, ouais, qui a des phases nulles, mais qui a surtout, moi qui m'ont marqué, t'as des phases qui sont excellentes. Surtout la phase quand tu vois le vaisseau de dos, en fait. Ouais, la phase ouais, à l'aspect sérieux, quoi. Avec une c'est musique ça, rock absolument géniale et tout. Bon, bah, c'est dommage parce que en intro ou en outro de cette scène, c'est hyper rudimentaire, quoi. Pas que ça. Mais oui, ça... Et... Tu vois, par exemple, sur cette scène, tu mets une bonne mise en scène, un bon coup de polish et du vrai scoring, ça t'aurait fait un excellent jeu, quoi. Ça aurait fait un super jeu. Et en fait, c'était... Mais il n'y a rien, c'est un jeu qui est creux, quoi. Ouais, non, mais oui. Oui, puis surtout, quand tu vas plus loin que ce qu'on avait été à l'époque, parce que je sais que j'avais fait un... Ouais, les phases en vue dessus, en mec, là. Voilà, j'ai traité le jeu pour Retro and Magic sur No Life, et ouais, le... Donc j'ai refait le jeu plusieurs fois entièrement et les phases en mec, je les avais c'était un peu nébuleux dans ouais, ma mémoire. Quand tu l'as fait, musique qui est bien, la musique est chouette, mais par contre ouais, au niveau jeu, c'est totalement injuste. Ça ouais, c'est hyper mal réglé et c'est nul. Tu te tapes des game over et c'est dommage, hein, il est beau en plus le jeu, putain. Oui, mais c'est ça en fait, c'est que tu avais beaucoup de jeux occidentaux à l'époque sur micro, c'était la course à l'armement visuel et sonore. C'est tout. Il ouais, fallait que ce soit beau. Et il fallait que ce soit comme agréable à entendre. Et t'as l'impression que le reste venait après. C'est pour ça que des exceptions comme les Turrican, par exemple, sur micro et quelques autres, qui, eux, ont vraiment aussi un gameplay à la japonaise, ouais, ça nous a énormément marqué parce que peu de jeux avaient ce souci-là, quoi. De... Tiens, bah, en conversion de jeu jap, parle-nous un peu de Shinobi, là, parce que c'est un peu toi le spécialiste de Shinobi. Bah écoute, Shinobi, c'est un de mes jeux préférés, hein, comme tout le monde le sait, j'y rejoue régulièrement. Par contre, je ne l'ai jamais relancé sur Amiga ou Atari ST, ouais, puisqu'on a eu très tôt, que ce soit par des compiles sur console, des versions arcade Perfex. Perfex, Perfect. On est fatigué, excusez-nous. Oh la vache, c'est surtout toi là, quand même, depuis le début. Ouais, je suis fort là, je suis très fort. Arcade Perfex. pour laver votre maison du sol au plafond. C'est exactement ce que j'allais dire. Arcade Perfect. Des trucs sol Carlus, quoi. Voilà. Non, je suis fatigué, excusez-moi. On va appeler ça des versions arcade Carlus. Ouais, exactement. Ouais. Et puis bon, bah maintenant, j'y joue soit sur la borne, soit sur une superbe compile Sega que j'ai sur PS3. Ouais. Voilà. Bon, l'émulateur, hein, de toute façon. Et du coup, j'ai souvenir par contre que sur micro, c'était un petit peu saccadé au niveau du scrolling. Bah, c'était très... Oula, pardon. C'était très saccadé. C'était très gris, marron, noir. Mais comme on avait que ce point de vue-là de comparaison... Mais ouais. Quand tu tirais, ça faisait un vieux bruit pourri. quand tu faisais haut et jump, là, tu sais, pour passer d'un plan à un autre, là. Ouais. C'était super lent parce que c'était très saccadé. Oui, je me souviens, il mettait des plombs, enfin des plombs, ouais, façon de parler, à monter. Les ninjas ennemis, ils étaient fluo, tu sais, genre vert V255, quoi. Pour les ça, c'est parce que les mecs, ils maîtrisaient pas la machine parce que. Ouais. Visuellement, Shinobi, il aurait pu très très bien tourner sur ST et Amiga, quoi. En fait, il y a que les musiques qui tuaient, comme d'hab encore. Les musiques, elles étaient vraiment trop bien. Je sais pas si tu te souviens. Enfin, les musiques de la version Amiga. Et le niveau bonus, c'était. Plutôt bien fait. Plutôt bien... Bien rendu, ouais. C'était bien rendu. Ouais. Par contre, au niveau son, je préfère clairement la version arcade parce qu'elle a vraiment une sonorité qui m'a marqué, qui est bien particulière au jeu. Mm. Puis la BO, elle est, voilà, juste géniale. Mais en fait, ça soulève un point intéressant. C'est comme à l'époque, on n'avait pas trop de points de comparaison. Et même si on avait joué en arcade, on l'a à la maison, ça ressemble... Voilà, c'est bon, quoi. Bon, bah voilà, c'est un peu en c'est grand... à peu près bon. C'est à peu près... Mais c'est en grandissant, au fil des années, où on commence à se rendre compte que là, on s'est farnaqué, et on en parlera tout à l'heure avec un célèbre éditeur, n'est-ce pas? Ouais. Là, on va peut-être accélérer pour passer par eux, parce que c'est quand même le plus gros. Hein. C'est plus ah, mais gros eux, c'est génial. Ah, c'est notre chouchou. Hein. En fait, dans les... Moi, je les aime d'amour, hein. Dans les grandes adaptations, il faut pas oublier Pac-Mania, ouais, qui était sur Amiga. Alors là, pour le coup, qui était vraiment... Arcade Carlus, là. Arcade Carlus, ouais, complètement. On était en full screen. Et c'est vrai que sur Amiga, c'était pas... Enfin, sur micro tout court, c'était pas souvent. Ouais, ouais, c'est clair. Les musiques étaient mieux que sur... Enfin, moi, je les trouve mieux que la version arcade. Les musiques étaient mieux. Et puis vraiment, c'était... visuellement, c'était très très bien rendu. Alors, quand tu joues à la version arcade après, c'est vrai que sur arcade, les niveaux sont quand même plus beaux. Genre, tu vois, par exemple, tu prends les stages de, avec les derniers, de Lego, ouais, ou etc. Ouais, ouais. C'est vrai que sur... c'est un poil plus beau, sûrement. T'as un côté vraiment matière dans la version arcade. Mais vraiment, la version Amiga était géniale. Franchement, c'est quasiment le même. Hein. Elle était vraiment géniale. Enfin, pour moi, c'est le meilleur Pac-Man avec le Pac-Man Championship édition, je sais plus, tu sais, sur PC. Et... Oui. Et sur Xbox. Ouais, sur Xbox, ouais. Pas sur PS3 aussi, je pense. Oui, il est sorti un peu partout maintenant. Où t'as des putains de patterns à apprendre et tout, là. Il est ouf, ce Pac-Man. Il était ouf. Et là, on va parler, avant de passer à l'éditeur qu'on aime tant, on va parler un peu d'Atari ST quand même, parce qu'on va pas l'oublier. Parce qu'il faut savoir que nous, on a eu un Atari ST et après, on est très vite passé à l'Amiga. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a plus de souvenirs sur Amiga, même si on a quand même beaucoup joué sur Atari ST. Et, ouais, et puis, il y a des conversions qui sont identiques hein, sur Amiga Atari, genre le Wonder Boy. C'est alors, vrai. Justement, même si nous, on est team Amiga voilà, à la vie, à la mort, il y a quand même un jeu qui, dans toutes ces adaptations, qui tournait mieux sur ST, je trouve. C'était donc Wonder Boy in Monster Land, ouais. Qui est donc le tout premier Monster World. Dans la saga Wonder Boy alors visuellement bien sûr c'était déjà très rudimentaire en arcade donc les deux versions sont identiques visuellement, ouais. Par contre bizarrement sur Atari ST il chargeait beaucoup moins entre chaque niveau, d'après mes souvenirs t'avais beaucoup moins de temps de chargement. Ah, je m'en souviens plus que sur Amiga c'était très long. Effectivement, ça me dit quelque chose, ouais. Les temps de chargement, la petite phase où tu vois le château au loin, voilà, exactement. Si tu dépasses un certain nombre de points, t'augmentes de level, en fait. T'as un cœur en plus et tout. Ouais, je trouve, exactement. Moi, je me rappelle ce qui m'avait un peu étonné. On l'avait sur Atari ST, donc il tournait très bien. Et quand on a eu l'Amiga, avec la débauche visuelle que ça a été, avec des jeux qui étaient sublimement beaux, parmi les plus beaux de cette époque-là, et qui chargeaient parfois pas trop non plus. Là, j'y tiens, Wonder Boy sur Amiga, tu vois, ça se voit... Il n'a pas été optimisé parce que vraiment entre chaque niveau les chargements étaient plus longs que sur Atari ST. Ouais, je pense que la lead était sur Atari au niveau du portage. Très certainement. Tu sais pourquoi ? Les sons c'est les mêmes sur Atari et sur Amiga. Généralement quand tu fais une lead sur Amiga, t'essayes de mettre le potentiel, tu vois, sonore, etc. Et ensuite tu downgrades pour l'Atari. Là j'ai l'impression que c'était le contraire. C'était un portage un peu. De toute façon c'est du basique, je crois, sur Amiga. Enfin je sais plus du C ou du basique. Pour la plupart des jeux, et je pense qu'ils l'ont fait en basique avec tous les assets sur Atari, et ensuite ils ont pris tout le code, ils l'ont porté sur Amiga. Ah, peut-être, hein, très certainement. Peut-être que tu sais, t'as des routines pour charger des conneries, etc. Ça ne charge pas de la même manière sur Atari Amiga, et du coup, tu te retrouves avec des loadings à rallonge, inutilement, quoi. Parce qu'il n'y a rien dans Wonder Boy, ça reste un petit jeu, quoi. Ça ne justifie pas, pour une machine comme l'Amiga, des chargements si longs, quoi. Non, parce que clairement, c'est un conflit. Je pense que c'est pas un jeu qui devait peser énormément. Par contre, qu'est-ce qu'il était bien, quoi. Enfin, voilà, ah bah, franchement, c'est le début des Monster World, quoi. C'est magique. À part le fait d'appuyer sur O pour sauter, franchement, c'est quasiment même qu'en arcade, quoi. Enfin. Bah, c'est clair. Je vois pas trop de différence. Hein. Et ce petit écran là, dont on parle justement, bah même quand il chargeait longtemps sur Amiga. Ça m'énervait pas plus que ça parce que je sais pas si ça te faisait ça à toi, mais cet écran avec le château loin et cette plaine verte, ouais, c'est mystérieux. Ça faisait rêver. Enfin, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment l'appel à l'aventure. Voilà. Et moi, je me suis toujours demandé, mais c'est où ce château dans Wonder Boy, c'est quoi? Et en fait, apparemment, je pense que c'est le dernier en fait. Bah, moi, je pense. Moi, c'est le dernier château du jeu. Il me semble que c'est celui-là. Il me semble. Enfin, c'est ce que je pensais aussi. Maintenant, Tu sais, quand tu t'enfuis dans Wonder Boy 3, quoi. Ouais. Tu te barres en dragon, là. Exact. C'est celui-là, en fait. Mais ce petit écran, là, il me faisait vraiment rêver. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut arrêter de confronter les jeux rétro aux jeux récents, parce que, vous voyez, nous, on est un parfait exemple de ça, c'est que ce petit écran, et même encore quand je le vois... parce que j'y rejoue régulièrement à celui-là aussi, me fait toujours autant rêver, comme je m'extasie de rêve devant les décors d'Uncharted 4 d'une autre façon. Mais, ouais, ouais, c'est-à-dire que, voilà, je pense que ces jeux-là, à l'époque, bah, ils avaient, effectivement, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, et ça n'empêchait pas que... Tu veux une anecdote marrante ? Ça faisait rêver, quoi. Ouais. Tu sais que dans les Zelda, bon, voilà, tu sauves Zelda, etc., mais il se passe rien, tu vois. Il n'y a que dans Zelda 2, je crois, où elle fait un bisou à Link, à la fin. Mais tu sais, c'est genre le héros, quoi. Vas-y, je sauve le monde et puis je me barre, tu vois. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les versions, mais dans Wonder Boy 3, donc pas le 2, donc c'est pour ça que c'est vraiment une grosse parenthèse, je l'ai fini sur PC Engine. J'ai pas fait la version Master System, donc... Alors tu parles de The Dragon's Trap, là, c'est ça ? Voilà. Ouais. Mais la fin de The Dragon's Trap sur PC Engine, le héros, tu sais, il rentre au village, donc il est acclamé, etc. Et en fait, il rentre chez lui, chez sa meuf, et tu comprends qu'il nique. Non, sérieux ? Et dans le texte, ils disent « Ouais, c'est bon, t'as sauvé le monde. Allez, et je me souviens, maintenant, prends du bon temps. » Et tu vois, il rentre voir sa meuf chez lui, quoi. C'est genre, ah, ça serait inconcevable sur une console Nintendo, ça. Non, ouais, c'est clair. C'est, tu sais, le grand écart entre Link et le héros, quoi, ah, c'est de, ouf, de Wonder Boy, c'est assez drôle, quoi. Ah, mais c'est alors, je sais pas si c'est comme ça, sur Master System ou sur Game Gear, parce que le portage Game Gear est excellent aussi. Est-ce que ça va être ça dans le remake qu'ils sont en train de nous préparer là ? Ouais, alors putain, grosse parenthèse, vraiment, je suis très content pour ces gens qu'ils aient pu avoir la licence, etc. Mais alors, je comprends pas tout l'engouement graphique qu'il y a autour, parce que moi, je ne reconnais plus du tout le jeu. Personnellement, je reconnais plus l'univers, j'aime pas du tout la direction artistique du jeu. Le côté vraiment BD française, on est des Français qui veulent faire comme des Japonais, tu sais, c'est genre les peaux de Yoko, j'exagère, tu vois, mais. Parce que c'est super beau, c'est un super graphiste, mais ça fait pas Jap. Prends un Dany, ça ira mieux. Non, mais ça fait français qui veut faire Jap et ce style crayonné, mais et puis c'est vachement moins coloré, c'est plus terne, plus sépia, tu vois. Généralement, enfin, c'est pas du tout. Alors moi, je serais quand même plus mesuré, c'est-à-dire l'univers que j'avais en tête. Hein. Voilà. Je serais plus mesuré, c'est que je suis déçu dans le sens où ça s'éloigne vraiment de l'esprit. Original visuellement, parce que ça faisait vraiment partie de l'ADN, moi je trouve, du jeu. Ah, mais moi, tu retires ça, tu retires 50%. C'est comme si tu changeais les musiques d'FF6, quoi. Par contre, visuellement, je trouve ça vraiment très très joli. Ouais. C'est joli, mais pour un autre jeu, pas pour Dragon's Trap. Donc, je me ferai avoir, je l'achèterai. Je suis pas sûr d'y jouer à cause de ça. Moi. Mais tu vois, j'aurais largement préféré un style à la Game Atelier, qui ont vraiment compris. Visuellement, pas en animation, parce que j'aime pas trop. Je vais peut-être me faire des ennemis, surtout que je les adore. J'ai des copains, des connaissances chez eux, mais j'aime. Dans tous leurs jeux, il y a un côté flash au niveau des animations. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est vraiment. Voilà, c'est des morceaux de sprite qu'on bouge, qu'on étire, etc. Moi, je déteste ce style d'animation. Je préfère l'animation à la main. Voilà. Bon, moi, c'est le truc qui me dérange. C'est ce côté très statique des animations et pas du tout organique. Mais par contre, en termes de direction artistique, c'est-à-dire les décors, tu vois, pour moi, ils ont compris l'ADN des Wonder Boy. Ils ont complètement compris l'ADN des Wonder Boy. Graphiquement, Dragon's Trap, il aurait dû être comme ça. Et il aurait été comme ça, avec des animations vraiment à la japonaise, donc fait à la main, frame par frame, comme un dessin animé. Putain, mais laisse tomber, ça aurait été parfait, quoi. Ça aurait été parfait. Ouais, c'est dommage. Enfin, pour moi, c'est dommage. Tout le monde, majoritairement, les gens ont l'air d'aimer. Ah oui, il y a une quasi-unanimité. Hein. Voilà, mais je suis pas seul à penser que c'était pas la bonne direction à prendre. Et c'est marrant, c'est souvent les fans hardcore du jeu qui sont pas d'accord. Et comme c'est vraiment un de mes épisodes préférés, moi, je le retrouve pas, en fait, dans cette DA, quoi. C'est bizarre. Bah c'est étrange, c'est que moi je suis d'accord avec toi et globalement je suis pas en train de dire que c'est moche, c'est très beau. Hein. En fait c'est le fait d'avoir vu un et pour moi ça colle pas. Ils avaient fait un petit live sur Game Cult il y a quelques mois et c'est vrai que ce live m'a vendu un peu le jeu quoi, c'est-à-dire que c'est même a priori au niveau visuel, d'ailleurs, ceux qui me suivent peuvent le dire, parce que j'ai beaucoup tweeté dessus, que vraiment, je trouvais que j'aurais préféré quelque chose qui renoue vraiment plus avec le style visuel de l'époque. Mais par contre, le petit live qu'ils ont fait sur Game Cult m'a énormément plu, avec le cochon en plus, avec le vendeur. Ouais. Donc bon, je me dis... Tu parles de quoi ? Tu parles du nouveau Wonder Boy ou du remake ? Alors, est-ce qu'on parle du même, là ? Alors attention, parce que t'as le nouveau Wonder Boy qui s'appelle Monster Boy, de Game Atelier. Ok. et t'as le remake de Dragonstrap. Non. Excuse-moi, le cochon. C'est deux jeux différents. Non. Le cochon, c'est dans l'autre. Oui, excuse-moi. D'accord. Le cochon, c'est dans Monster Boy qui a l'air super. D'accord. Non. Il a l'air très bien. C'est juste les animations 2D que je trouve très flashesque et ça me dérange. Mais bon, voilà. C'est vrai que le cochon, c'est dans. Tu joues pas avec le cochon dans Dragonstrap, hein. Non. Non, mais je sais justement. Mais tu vois, c'est marrant. J'ai mélangé les deux projets. C'est que je m'étais dit, tiens, c'est marrant. Ils mettent le cochon dans Dragonstrap en perso. Deux projets Wonder Boy. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Française, c'est normal de s'en mêler les pinceaux. Ouais, je me suis un peu emmêlé les pinceaux effectivement. Ouais. Et surtout que moi, Wonder Boy, c'est vrai que moi, je suis plus l'épisode 5. Enfin. Après, c'est pas le même numéro. Ouais. Monster World, alors c'est le Monster World 3. Enfin bon, on va pas vous embrouiller l'esprit parce que Wonder Boy, c'est tout un micmac. Mais en tout cas, pour simplifier, le premier Mega Drive, voilà. Ouais. Avec Chion. Non, c'est pas le premier sur Mega Drive. C'est le shoot. Non, mais je te parle vraiment en Monster World, moi. Ah oui, d'accord, oui, en Monster World, ok. Oui, non, je te parle pas du shoot, bon, qui était très sympathique d'ailleurs, mais voilà. Oui, du sympa, qui est pour moi, en arcade. Qui est un épisode mineur pour moi. Non, je te parle vraiment du Monster World sur Mega Drive, voilà. Mais c'est vrai que The Dragon's Trap, je m'en mêle les pinceaux parce que c'est un jeu que j'ai adoré à l'époque, mais je n'ai jamais eu le temps de le refaire depuis. Donc. Voilà, mais effectivement, le tout nouveau qu'ils sont en train de faire est bien plus alléchant pour moi que le remake de Dragonstrap. Et si tu veux le refaire, fais-le sur soit Master System parce que t'as des boss cachés sur Master System, mais là on va dire que c'est pour vraiment les hardcore. Mais pour moi, la meilleure version, c'est la version PC Engine. Vraiment, la version U-Card, c'est un chef-d'œuvre. Bah écoute, je retiens le conseil et du coup on va avancer avec encore sur du ST avec Space Harrier sur AT-ST qui était alors peut-être pas arcade perfect mais qui avait énormément impressionné la presse et les joueurs à l'époque de par sa fidélité. Alors je sais pas si tu t'en souviens. Ah bah si bien sûr. Alors il faut se rappeler qu'il y avait on y jouait à la souris. Moi, je me souviens de celui-là et de Super Hang-On. Mais Super Hang-On, c'était peut-être sur Amiga. C'est marrant, je m'en souviens pas de Super Hang-On sur micro. Moi, si. J'ai toujours adoré Hang-On, moi. Donc, En tout cas, Space Harrier, pour la petite histoire, en fait, c'est Paul Cuisset, qui à l'époque avait une vingtaine d'années. Donc Paul Cuisset, les Voyageurs du Temps, Flashback, etc. On ne me présente plus. Et en fait, il avait été en charge de l'adaptation. Donc sur ST, sur Amiga, c'est pas lui. Hein. Vraiment sur ST. Et à l'époque, les adaptations d'arcade sur micro, c'était assez folklorique puisque il n'avait même pas, si tu veux, des assets officiels de Sega. Oui, je me souviens. De jouer au jeu en arcade en prenant des photos et tout pour. Alors en fait voilà c'est que il allait dans une salle d'arcade et sa femme en fait filmait ce qui était totalement illégal donc c'est-à-dire vraiment il faisait ça en mode tandax pour pas se faire pécho quoi. Elle filmait donc de manière clandestine en fait pour une adaptation officielle hein, donc c'est assez rigolo la borne et puis ils rentraient chez eux après puis voilà ils essayaient de refaire les sprites. De refaire exactement le même jeu, sachant qu'il s'est aidé aussi de la version Master System. Ouais. Et quand on voit le résultat, sachant dans quelles conditions ça s'est fait, c'est assez bluffant, puisque vraiment, il tournait très très très très bien sur ST. L'un des défis, c'était de retranscrire un peu le dynamisme de la version arcade. Ouais. C'est vrai que ça tournait quand même assez rapidement, c'était assez... Enfin, c'était très speed. C'était très énergique. Ouais. Et puis ce gameplay un peu à la souris... comment s'adapter au mieux à la vitesse du jeu, c'était quand même une bonne idée. Et oui, c'est vrai. C'était une bonne adaptation, quoi, vraiment. Et c'est marrant de voir qu'à l'époque, les adaptations de jeux d'arcade, elles se faisaient vraiment de manière un peu spéciale. Et là, Sega, rien à foutre, quoi. On vous envoie rien. Après, l'adaptation Master System était quand même très bonne, donc c'était une bonne base aussi pour faire le portage Atari. Je pense. Ouais, bah aussi. Mais c'est... Après, bon, la meilleure, c'est la version Mega Drive, après. Bah, c'est sûr. Mais là, bon, c'est sûr que c'est chez Sega, quoi. Bah, mais voilà, c'est hallucinant. C'est facile, hein. C'est hallucinant comment, tu vois, tu vois que l'époque a bien changé aussi, comment Sega voyait nous, le petit public occidental sur nos micros, comme ils nous considéraient, parce que vraiment, ils en avaient rien à secouer, quoi. Pour eux, bah, les versions. Tu sais, moi récemment, bah, après, c'est 6 mois, ça m'est arrivé, je pense que ça arrivait à d'autres graphistes, mais quand j'ai commencé le métier, je bossais dans une boîte qui faisait des jeux mobiles. Et je devais m'occuper d'un portage d'un FPS PC qui s'appelle Button Soldier. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à ce jeu ? Je sais pas, mais bon. En tout cas, on a dû faire un portage sur mobile, donc j'imagine que le jeu s'est un peu vendu. Mais ça a dû être à moindre mesure. Et en fait, ils nous ont envoyé le jeu sur PC. Bon, ok. L'adaptation mobile, c'était à l'époque des mobiles en Java, hein, donc les smartphones n'existaient pas. Hein, donc, c'est genre TDT. Pour se mettre un peu dans le contexte, c'est comme si je devais adapter un FPS moderne PC sur Mega Drive. Voilà. Donc, t'as même pas le droit à la transparence. Le downgrade. Donc, bah, en fait, t'es obligé de refaire un jeu. Oui, oui, ça, c'est même plus une conversion, c'est une adaptation. Quoi. Tu dois adapter réellement le jeu. Au format, et ben ils nous envoyaient le jeu, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi c'est un jeu mobile, donc il sera pas en 3D, je peux pas reprendre les assets. Et finalement, je me suis basé sur la couve du jeu, quelques modèles 3D pour les fringues, quelques décors de niveau, et j'ai refait un jeu entièrement, quoi, avec mes collègues. Tu vois, c'est donc comme quoi, même récemment, bon, tu te retrouvais quand même un peu des fois dans des situations, je dirais pas similaires, mais quasi similaires. Bon, là, on n'avait pas à faire le même jeu, mais tu dois faire un jeu sur un univers sur lequel on te donne quasiment rien, quoi. Très bien, c'est ouf. Et après, vas-y, débrouille-toi, quoi. Donc, bon, on avait fait une sorte de run and gun, bon, bref. Mais ouais, c'est vrai que c'est impressionnant le travail qui a été fait, et je pense qu'il n'a pas été le seul, hein. À avoir être dans ce genre de situation pour les partages. Mais là, je fais encore une petite parenthèse, mais on reste vraiment dans le sujet. Ça me fait penser que ça aurait pu être dans les recommandations au début de l'émission. C'est qu'il y a un journaliste anglais qui a un nom difficilement prononçable. Enfin, j'ai toujours peur d'écorcher les noms. Moi, j'aime pas écorcher les noms. Donc, qui est John Knepaniak. Alors voilà, j'arrive pas à le dire mieux. Je vais retenir John Popopo, moi. John Popopo. Alors qu'est-ce qu'il a dit, John Popopo ? Donc, un journaliste anglais qui s'appelle John Knepaniak. Bon, j'arrive pas à le prononcer, voilà. Oh, c'est le nom de Médoc. En fait. C'est Knepaniak 500. En fait, pour vos mots de tête. C'est un journaliste JV et c'est lui qui a écrit les deux tomes. D'ailleurs, il faut que je commande le 2, là, j'ai acheté le premier, non traduit, hein, mais c'est tellement une source absolument géniale de trivia et je trouve que pour l'histoire du jeu vidéo, c'est un document qui est inestimable. C'est lui qui a écrit les deux bouquins, les deux volumes de The Untold History of Japanese Game Developers. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Non. Moi, j'ai acheté le premier bouquin, je t'en avais parlé. C'est, en fait, c'est un mec, il a pris... je sais pas combien de temps ça lui a pris, mais il a fait la tournée des devs et des éditeurs japonais, ouais. Mais ceux qui ont marqué les années 80-90, et il va chez eux, ou dans les boîtes, il discute longuement avec eux, et les mecs lui montrent des documents d'époque, que ce soit de game design, de programmation, d'organisation dans les boîtes, et c'est truffé d'anecdotes. Ouais. Voilà, donc ça va vraiment des premiers classiques japonais de la fin des années 70 à même parfois des jeux assez récents, parce que j'ai appris pas mal d'anecdotes géniales sur le développement de Rule of Rose, le Sunrise Valor Horror, voilà, PS2. Ouais. Et ce mec-là, en fait, il a été chez Westone. D'accord. Qui est la boîte qui développait les Wonder Boy. Ouais. Et récemment, en fait, il faut savoir, je vais essayer d'être assez concis, mais il a une édition de luxe de ses bouquins qui fournit avec un DVD avec des séquences vidéo d'interviews qu'il filme chez les développeurs. Et là, récemment, il a mis en ligne gratuitement plein d'interviews de ces DVD-là. D'accord. Donc, pour aller au plus vite, si vous voulez aller voir ça, allez sur le site demo5.com, ils ont fait une grosse news là-dessus. D'accord. En postant toutes les vidéos sur la même page, ça vous évitera de chercher à droite à gauche. Et où j'en viens au thème des conversions, qui est suite de l'émission du jour, c'est que en fait, il est face, et on voit qu'il est très très fan en fait de Nishizawa, donc Monsieur Nishizawa qui est le créateur de Wonder Boy, et il lui fait un cadeau, il lui offre en version en plus, mais t'as l'impression que c'est neuf. T'as l'impression que l'exemplaire, il est neuf, quoi. Une version ZX Spectrum de Wonder Boy in Monsterland. Avec ouais, vraiment la boîte, la cassette audio, dans son sachet, la doc, le truc, il est comme neuf. À mon avis, c'est une relique qu'il devait avoir chez lui, qu'il gardait ouais, précieusement, clair, et lui a offert, en fait. Et tu verrais, Nishizawa, il regarde ça, mais il savait même pas que ça existait, quoi. Ah ouais, mais toi, ça arrive souvent que t'as des Japs, des développeurs Japs, et ils... Bah parce que ça leur échappait, ils avaient pas le feedback, en fait, déjà qu'à l'époque, je pense que c'était difficile d'avoir des feedbacks, déjà, en termes national, du nombre exact de ventes, etc., ouais. À l'étranger, la licence, de toute façon, était vendue. Bah là, c'était encore Activision. Donc, la licence était vendue à un étranger. Et puis, donne-nous ton chèque. Voilà. Et puis, roule ma poule. Et je pense qu'ils n'avaient aucun retour. Tu vois, de... ils n'avaient même pas conscience. Clair. Non, non, non. Voilà. Et ça, c'est pas, ça date pas d'hier. Puisque je me souviens, quand j'ai eu la chance de rencontrer Goichi Suda, qui est vraiment un de mes créateurs de jeux. Ah oui, c'est vrai, pour la version européenne là, de machin. Voilà, qui est un de mes créateurs de jeux préférés. Ouais. Donc Michigan, qui était un de ses premiers jeux, un survival horror qui préfigurait Rec. D'ailleurs, ouais, voilà, où on dirige un caméraman. Un très très bon jeu, quoi. Et je vais même demander s'il est... voilà, que ce serait bien qu'il fasse un jour un remake, parce que c'est excellent. Il ne savait même pas que c'était sorti en Occident, quoi. Ouais, bah ça m'étonne pas. Alors que, bon, là, on parle quand même d'un jeu PS2. Ouais. Voilà, donc, ouais, donc c'est quand même plus récent, ouais, mais c'est le Japon. Voilà, donc voilà, tout ça pour dire que cette séquence, il faut absolument que tu vois ça, toi qui es fan aussi de Wonder Boy. Ah bah, où oui, t'as quand même le créateur de Wonder Boy qui a une version ZX Spectrum entre ses mains, il voit la cassette dedans, mais limite il se demande, mais attends, on peut mettre, il y a un jeu là-dedans, c'est... Et surtout, là où ça va te faire rire aussi, c'est que je sais pas si tu te souviens de la jaquette de Wonder Boy Monsterland chez nous. C'est la même sur ZX Spectrum. Bah oui, c'était non, il a eu ce dessin devant les yeux. Bah oui. Oh, le pauvre. Oh là là. Il a vu l'espèce de Wonder Boy. Cochon là, on dirait un cochon. Tu sais, on dirait un Allemand, quoi. C'est Allemand Boy in Monsterland. Tu sais qui fait penser au non, correspondant allemand, tu sais, l'élève qu'il y a dans les Simpsons. Oui, non, moi, c'est surtout Benny Hutter, en armure. C'est Hutter. Sauf que là, il a les cheveux longs, quoi. Mais Non, on dirait Benil. Oui, c'est vrai. Benil. C'est Benil qui joue un allemand. Benil in Monster World, quoi. En couche culotte. Oh non, il est horrible, on dirait un dessin... amateur, c'est de quelqu'un qui a pas de goût, quoi. Enfin, et quand il a ça devant les yeux, je me dis, putain, mais il doit se dire, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette jaquette de merde qu'ils ont fait sur mon jeu. Ah ouais, en plus même la perspective est pourrie, tu sais, on dirait genre c'est le dessin de la petite sœur du comptable de, je sais pas, d'un kebab. Ah, mais, quoi. Enfin, mais... c'est vraiment c'est horrible. Pourquoi le kebab? Mais bon, je comprends pas, mais bon, je sais pas, ils savent pas dessiner dans les kebabs. Bah, c'est pas ce qu'on leur demande en même temps. Bah, enfin bref, bon, il faut pas des kebabs si ça veut dessiner. Un kebab, un dessin, c'est concept. Voilà, un kebab, dessin, 5 euros. Allez. Donc, un kebab et un portrait. Non, mais c'est vrai que le dessin, personne peut ressembler à ça. C'est impossible. Ouais, tu sais que là, bon, nous, c'est de l'audio, mais en vidéo, bah, de toute façon, il y en a plein qui l'ont fait, même sur pas mal de blogs ou de sites, les pires jaquettes qu'on ait eues. C'est vrai que les adaptations de jeux d'arcade, bah, souviens-toi, donc là, on va y venir, parce que de toute façon, je crois qu'on n'a plus d'autres jeux vraiment à importer. Enfin, là, comme vous le savez... oui, voilà, il y avait Midnight Resistance sur Amiga qui était super bien, avec une pure musique. Ouais. Même si la meilleure version au niveau musical, c'est voilà, sur Mega Drive, la musique, sur Mega Drive, elle déchire tout. Ouais. Qu'est-ce que Dragon Ninja qui se souvient de jeu, quoi. Enfin, si, sur Atari ST, on a Double Dragon 2 aussi qui était vachement bien. Là, oui. J'ai juste lancé pour que tu nous fasses l'imitation des ennemis qui meurent. Voilà, parce que ça, c'était vraiment génial. Mais c'était une bonne adaptation, ceci dit. Et pourquoi ils ont mis ce son? Je sais pas, ils ont dû s'amuser. Et en fait, voilà, ce que je voulais préciser, c'est voilà, c'est à l'esprit broadcast. Là, on a parlé des jeux qui nous revenaient en tête. Donc, comme d'hab, on en a oublié des tonnes et des tonnes. De toute façon, ouais, sur Amiga. CSHQ aussi, qui était bien sur Amiga. Ah, CSHQ, ouais. Adapté par Océan encore. Ouais. Faut dire qu'on a eu tellement d'adaptations de jeux d'arcade, c'est impossible d'en faire une liste, sinon le podcast, non, il ferait 10 heures. Donc voilà, c'est, non, pas possible. Non, c'est pas possible. Donc là, on va passer à notre chouchou. Là. On va passer à notre chouchou. Et parce que effectivement, saboteur, hein, j'allais te parler de la, j'ai trouvé une super transition Parce que la jaquette, tu te souviens de la jaquette occidentale de Strider aussi, qui était hyper moche. Ah non, je m'en souviens mais pas. Mais si, le Strider doré, là, il avait la peau dorée, avec plein d'épées comme ça. Ah putain, non, je m'en souviens pas. Ah, ça me dit quelque chose. Bah là, vas-y, tape vite fait, type Strider Amiga Front. Et j'espère que ça va pas couper. Strider Amiga Front. Ouais, tu peux mettre cover aussi. Ouais, moi je mets front. Alors moi, ça me met pas du tout. Moi, j'ai la coupe de Pac-Man, d'accord. Ok, super. Je vais taper cover. Bah merde alors. Est-ce que front, ça marche bien normalement? Google Images. Ouais, bah oui. Ah bah maintenant ça va. Ah, oh putain, oui, c'était sur Atari, c'était la même. Bon, alors, dans ce même reportage, dont je t'ai parlé là, à Weston, en fait, le mec, il rencontre aussi, dans la même salle en fait, hein. Mais c'est génial, faut absolument que tu vois cette vidéo. Le dessinateur. Non, le créateur de Strider. D'accord. Donc, Koshi Yotsui. Ouais. Oh, je dois prononcer très mal, je suis désolé. Et du coup... il lui offre aussi une version ZX Spectrum de Strider. Avec cette couve. Avec cette couve, voilà. Alors, Strider... C'est pas une des pires, quand même. C'est là où est la transition, c'est que Strider, qui a été adapté sur micro par US Gold, éditeur britannique, si son nom ne l'indique pas. Pourquoi il s'appelle US Gold, juste deux mots vite fait. C'est qu'au début, en fait, il s'était spécialisé dans l'importation de jeux américains. Voilà, tout simplement. Ah, d'accord. Avant d'être dans sa phase adaptation d'arcade. Et donc, en fait, US Gold, ce qu'il faisait, c'est qu'il payait des studios, je pense pas très cher, pour adapter des jeux d'arcade. Et le pire, c'est que dans son giron, il avait surtout Capcom. Donc US Gold avait un contrat avec Capcom et en fait tous les jeux Capcom nous arrivaient sur ST et Amiga et puis pareil sur les micro 8 bits, hein, que ce soit l'Amstrad et compagnie, ça nous arrivait donc estampillé US Gold. Ah, et US Gold, si vous voulez, pour les gars de notre génération, c'est vraiment le pire éditeur qui ait eu. Tu sais que je pense qu'il n'y a pas d'éditeur... Parce que même THQ, à ses débuts, effectivement, qui était nul, THQ a eu une deuxième période dorée, sans faire de mauvais jeu de mots. Ouais. bon, malheureusement, THQ, maintenant, voilà, c'est mort. Mais ils ont une période où ils ont sorti des excellents jeux. US Gold vraiment quasiment sorti que de la merde, à 90%. Ah ben, bah, je réfléchis. Tu dis 90%, mais trouve-moi un bon jeu US Gold, Bruno. Bah, le truc, c'est qu'ils n'ont pas eu qu'une période d'adaptation d'arcade. Donc, il y a peut-être des titres là, qui ne me reviennent pas. Puis là, bon, c'est pas le sujet du jeu. Bah, en tout cas, les adaptations sont pourries. Hein. Bah voilà, alors Strider, c'était eux. On vous a parlé pour la rubrique musicale de l'émission précédente de Goose and Ghost. Donc, c'était eux. Donc, Ghost and Goblin, bien sûr. Déjà, en plus, je savais même pas comment ils faisaient, mais tous les héros, à chaque fois qu'ils adaptaient un personnage, le sprite ressemblait à Gollimard. À chaque fois. Comment ils faisaient, quoi? C'est à chaque fois, tout leur sprite de héros ressemblait à un turc, à moustache. C'est, ils prenaient Arthur de Goose and Ghost, ils t'en faisaient un turc à moustache. Ils prenaient Shinobi, Ryu, et ils te faisaient un Shinobi turc à moustache. En fait, c'était un Qatar. C'était même plus Strider, tu veux dire? Non, Shinobi aussi, ils ont fait le Shinobi tout pourri, là. C'est eux, Shinobi? Mais oui, c'est eux. Non, pas le bon Shinobi, le Shinobi pourri. Le Shadow Dancer. Le Shadow Dancer Amiga. Ah! Regarde, attends, je vérifie. Mais... D'accord, oui, non, mais tu me dis Shinobi, donc oui. Eh oui, Shadow Dancer, c'est... oui. Shadow Dancer, oui, c'était. Shadow Dancer. J'arrive pas à voir Amiga. J'arrive pas à trouver. Le Shadow Dancer sur Amiga. Il est tellement pourri qu'il a été oublié, tu vois. Amiga Long Play, tiens, allez, hop, on va voir. Je te lance ça. Je suis sûr, c'est US Gold. Tac, je mets pause. US Gold, voilà. US Gold, ouais. US Gold, bah je suis désolé. Et là, je suis devant l'écran titre du jeu. Je suis désolé. On dirait Gollimard. Ou on dirait un Qatari. Tu sais, on dirait un roi du Qatar, là. On dirait même plus une tenue ninja, etc. C'est... En fait, il te transformait tous les héros en blagues racistes, quoi. Enfin, je sais pas si c'est volontaire, mais c'est du sabotage à ce niveau-là, quoi. C'est bien US Gold, hein, il y a écrit US Gold sur l'écran titre. Oui, donc Gollimard, on précise que c'est un acteur Enfin, c'est... Non, c'est pas un chanteur. Ouais, c'est un acteur chanteur là, celui qu'on voit dans. C'est enfin, le mec qui faisait les plagiats de Michael Jackson en fait. Voilà, ouais. Voilà. Qui importait du Michael Jackson en Inde et il te refaisait tout quoi. Donc il te refait Thriller et tout. Enfin, c'est ah, le clip Thriller est génial, ouais. Ah, c'est incroyable quoi. Donc c'est. Enfin voilà, enfin, c'est un gag. Enfin, faut le voir pour le croire quand tu vois les sprites, putain, mais c'est. Il n'y a que Black Tiger peut-être qui a été épargné. Ah, c'est juste qu'ils ne savaient pas adapter en fait les sprites. Moi, je pense qu'ils s'en foutaient. Hein. Vraiment. Après, parmi leurs pires adaptations, parce qu'il y avait vraiment les mauvaises et il y avait les exécrables. Voilà. Chez US Gold, il y avait les deux catégories. Quoi. Voilà, catégorie exécrable. C'est-à-dire que Strider, je ne les mettrais pas dans les exécrables. C'est-à-dire non. Que c'était quand même jouable. Ouais, il y a quand même des collisions qui fonctionnent, il y a bon, deux, trois décors plutôt jolis. Le problème, c'est que Strider, il a fallu attendre, enfin moi, personnellement, la version Mega Drive, et puis après Arcade, pour comprendre vraiment dans quoi tu évoluais, surtout au premier niveau. Ouais, c'est vrai. C'est que le premier niveau, tu ne comprends pas les décors, en fait. Oui, non, c'est clair, bah, pas que les premiers. Hein. Regarde le niveau avec les loups, il n'y a même pas les montagnes, je crois, sur... Ouais, tu comprends rien. Bah, la salle du boss, quand t'as tous les mecs qui forment une chenille. Sur Atari ST ou Amiga, tu comprenais pas les décors, quoi. Enfin, tu comprenais pas le boss non plus, de toute façon. Mais... Ouais, je dirais même les bonus, quand tu les ramassais, le truc qui tourne autour de toi, t'as l'impression que c'est un ennemi qui veut te défoncer, alors qu'en fait, c'est un bonus. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a rien, t'as aucun feedback sonore, aucun feedback visuel, y a même pas d'animation quand tu tapes. Tu sais, t'as juste le truc blanc qui apparaît devant le perso. Des fois, je sais pas si tu te souviens, quand tu sautes, tu sais, tu fais le grand saut là, le long jump sur le côté, et que t'atterris sans déconner à 40 pixels après un gouffre, et ben le personnage il se re-téléporte dans le gouffre et il tombe. Tu te souviens de ça ou pas? Oui. Dès que t'es un peu trop au bord, mais c'est pas vraiment au bord. Franchement, t'es carrément sur la plateforme, t'as le perso qui tombe, donc t'as la moitié du perso sur le mur, tu vois. Genre, le jeu te troll, tu vois, t'as la moitié de ton perso sur le mur, mais non, il te fait tomber quand même, quoi. Non, mais c'était une catastrophe. En fait, tu savais même pas quand t'étais touché. Tu te souviens, tu sais, les gros singes qui te tapent? Bah, le point, il a 40 cm du sprite, et ben t'es quand même touché. Mais tu le sais pas, parce que t'as pas de feedback visuel. Bah, t'as même pas de sprite, c'est le genre d'impact qui te montre que t'es touché. Il déréglait tout. Bon, on va pas parler de l'adaptation de Final Fight, qui était juste... Ah bah si, faut en parler. Attends, c'est une des meilleures. Enfin, c'est une des meilleures. C'est une des plus drôles. Alors déjà, leur moteur qui permet de gérer les animations ou un curseur de 0 à 100 pour la vitesse... d'animation, je pense qu'ils ont oublié de mettre le curseur de vitesse à une valeur raisonnable et ils ont laissé tout à 100. Ça veut dire que les personnages ils font du 2 à l'heure, mais l'animation de marche est à 1000 à l'heure. Je sais pas si tu te souviens, t'as les persos en fait qui font du smurf. Oui, t'as l'impression qu'ils patinent un petit peu, ouais, non c'est, en fait, c'est ça. Ouais. Oui, voilà, tu sais, comme Mario, il marche sur de la glace, tu sais que tu veux changer de direction, tu sais, l'animation elle est vachement speed, mais t'es très lent. Bah voilà, c'est pareil. Les persos, ils marchent très vite, genre bah, comme dans Benny Hill, une fois de plus. Putain, c'était le podcast Benny Hill. Et ils font du 2 à l'heure, quoi. Et ils marchent n'importe où, ils traversent l'écran, ils reviennent, ils vont vers toi, ils donnent un petit coup de poing, tu tombes, ils se barrent. C'est n'importe quoi. Enfin... Bah, ils avaient adapté Street 2 aussi, hein, sur Amiga, qui était vraiment catastrophique. Et pareil, tous les persos, ils ont la peau marron. Tu te souviens ou pas? Mais ils avaient vraiment un gros problème avec la palette de couleurs, hein. Ouais, et ils savaient pas colorier, quoi. Franchement. US Gold, je sais pas colorier. Par contre, j'ai la liste des jeux US Gold sous les yeux, là. Entre-temps, je regardais. En fait, ils ont édité des jeux hors adaptation, en fait. Ils ont édité des super bons jeux, en fait. Je regardais. Ah. Hors adaptation. Alors, peut-être spécifiquement sur certains marchés, je sais pas. Mais tu vois, je vois Another World d'Amiga, ça a été distribué par US Gold. Oui, mais alors, attention, il y a la distribution, voilà, et l'édition, c'est pas pareil. Bah de façon distributeur, ils distribuaient sûrement des bons jeux, hein. Voilà, non mais voilà, c'est ça. En fait, ils se chargeaient, je pense, sur certains marchés. Mais faire du développement et éditer des jeux, c'est un autre métier que de le distribuer. Enfin, c'est pas la même chose. Justement, c'est important de préciser ça, c'est que ils avaient, je pense, une activité de distributeur. Ils avaient aussi une activité d'éditeur, dans le sens, on trouve un studio, Voilà. Pour nous faire, voilà, tel ou tel. C'est jeu. Exactement comme Square Enix, par exemple, distribue Tomb Raider. Voilà, parce que par exemple, tu vois, Indiana Jones et la dernière croisade, point and click, c'est eux qui l'ont distribué. Donc ouais, en fait, ça m'étonne pas. Il faut juste préciser avant qu'on passe à d'autres jeux là, du S-Gold, Strider, ils avaient fait aussi quelque chose qui était assez fort. C'est qu'ils avaient commandité, en fait ils avaient eu les droits de Strider, donc pour l'adaptation d'arcade, et ils avaient encore les droits pendant X temps, je ne sais plus trop. Là j'ai plus les chiffres en tête. De toute façon, le jeu il a été fait en 8 heures, c'est pas possible, enfin, il est tellement nul que. Et du coup, ils ont fait une suite donc, qui s'appelait Strider 2, qui est sortie sur micro-ordinateur et sur Mega Drive, qui était une purge totale, totalement merdique. Vous l'avez c'est encore pire que l'adaptation du ah ouais, non mais c'était une merde. Tu commences dans la forêt, je m'en souviens, c'est une qui a été renié par Capcom qui et par les joueurs qui fera X temps après son vrai Strider 2. Mais voilà, ils avaient fait ce Strider 2 là qui était qui était vraiment pour effectivement il était tout blanc le héros. Est-ce que c'était pas pour que la Star Wars aussi qu'il avait fait en blanc parce qu'on dirait qu'il habillait en Luke Skywalker. En tout cas, c'était nul. Et aussi, ce qui est chiant, c'est qu'ils avaient aussi certains jeux, avant de revenir vers Capcom, ils avaient certains jeux Sega, effectivement, comme tu le disais, Shadow Dancer. Ouais. Ils avaient massacré Alien Storm aussi, qui est un de mes jeux Sega préférés. Et tu sais qu'ils ont ils ont failli faire le portage de Sonic. Hein. Alors Sonic, souvenez-vous, il y a des screenshots. Il y a des screens, hein. Il y a des screenshots, Amiga. Qui apparu. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai fait « non ». Non, et heureusement, ça s'est pas fait. Donc, mais bon, ils en ont massacré des jeux, quoi. Ils en ont massacré vraiment par pelleté. Un des moins pires, peut-être, ce serait Forgotten Worlds, donc le shoot de Capcom. Ouais, bon, en même temps, il est dans pas ma, terrible. Hein, dans ma mémoire, il était pas. Bah, en fait, Forgotten Worlds, il avait un gameplay déjà un peu particulier en arcade. Ouais. Où tu devais effectivement. Diriger l'axe. La jouabilité était chelou. Ouais, la jouabilité était déjà chelou. Un des moins pires, c'était Black Tiger. Ouais. Même si c'était très saccadé, et en plus d'être saccadé, ça, ils arrivaient en plus à faire raber le jeu quand il y avait trois sprites à l'écran. Mais visuellement, c'était une de leurs adaptations qui était. Les plus fidèles, on va les dire. Les plus fidèles, voilà. Voilà, c'est ça. C'est en plus un de mes jeux Capcom préférés. Mais c'est vrai que là, maintenant, c'est injouable, franchement. Ah non, bah là, il faut jouer à la version arcade et... C'est tout. Et puis, c'était des gros arnaqueurs, parce que moi, je l'ai encore, la boîte, dans un des cartons, là. J'ai encore la boîte Atari ST de Goose & Ghost. Ouais. Donc, avec une couverture donc occidentale de l'époque, c'est-à-dire hyper moche par rapport à la version Jap, même si moi, j'y suis attaché... Parce que c'est comme ça qu'on l'a découvert à l'époque. Mais oui, surtout, oui. Ce qui était l'arnaque, c'est que dans les screenshots derrière, tu voyais des screens de la version arcade. Et ça, c'était vraiment les enculés. Et en plus, c'était des putains de menteurs, quoi. C'était des potes Amstrad, sûrement. Alors, c'est pour ça que, imaginez, quand vous étiez amoureux des jeux d'arcade, et Capcom, c'était comme un acteur majeur, à chaque fois que vous tapiez une adaptation de jeu Capcom... Bah, c'était, ou parfois Sega, donc, c'était US Gold qui commanditait un petit studio pas trop cher pour vous faire ça aux petits oignons, vite fait, bien fait. Ah non, mais la version de Goose & Ghost, tant que t'en parles, c'est une des pires adaptations, mais pour moi, de l'histoire, carrément. C'est ne même pas tenir compte du fait que, tu sais... En fait, il faut savoir que sur les anciens micros, généralement, les joysticks, ils avaient un bouton. Le deuxième servait à la même chose que l'autre, quoi. C'est ça. Avait deux boutons. Et du coup, dans Goose & Ghost, en fait, il faut appuyer sur haut et tir pour tirer vers le haut, tu vois, en arcade. Pour viser en haut, quoi. Exact. Voilà. Or, là, quand tu appuies vers le haut sur micro, bah, tu sautes. Donc, ça veut dire que si tu veux tirer en haut, eh ben, ton perso, il est obligé de sauter en même temps. Tu tires en haut, mais tu sautes, quoi. Donc vas-y, les vautours dans le premier niveau, voilà, débrouille-toi avec ça maintenant. Bah ça massacrait totalement le... Ça massacre le gameplay, pourquoi ils ont pas fait un truc où tu fais hold, tu sais, tu laisses appuyer, tu tires, et puis après tu mets vers le haut, quoi. Voilà, je veux dire, c'est le truc surtout que ça, j'ai souvenir que certains jeux Amiga l'ont fait, ça. Et Atari ST, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Certains l'ont fait, ça. Mais graphiquement, il était dégueulasse. Et pour le coup, putain, il était vraiment dégueulasse. La jouabilité... était à chier. Déjà que la jouabilité des jeux originaux, faut la roder, quoi, avec les sauts, tu peux pas orienter, etc. Vas-y. Débrouille-toi avec ça. En plus, tu peux pas sauter, tu peux pas tirer en haut, t'es obligé de sauter en même temps. Les ennemis popent n'importe où, ils sont trois fois plus rapides que toi parce que l'équilibrage, c'est pas du tout celui de l'arcade. Enfin bon. Ouais. Et puis, pardon. Et aussi, un truc rigolo, c'est que si vous avez écouté l'émission précédente qui était consacrée à la N64, ouais, pour les musiques. Voilà, la musique que j'avais choisie donc, en fin de cette émission-là, c'était donc les thèmes de Tim Follin qui avaient été spécifiquement créés pour la version Atari ST. Alors, ce qui est drôle, c'est que le thème du premier niveau donc, de Goose & Ghost sur Atari ST, donc c'est une création originale, mais qui est absolument magnifique. Bon. Ouais. Sachant que l'Amiga, quand même, en termes de son, était bien au-dessus de l'Atari ST, ce qui est incroyable, c'est que la version Amiga de Goose & Ghost n'a quasiment... Enfin, pour moi, c'est même une non-musique. Je sais pas si tu te souviens, le premier niveau... Si, ça fait... C'est des petits bruitages un peu bizarres. Après, ça fait des bruits de gouttes. Blip, blip, pic, plic, ploc. Ils ont même pas mis de musique, quoi. Alors qu'il y a une sorte de trip hippie, tu sais, sous acide. Typiquement US Gold, le micro le plus puissant au niveau sonore du moment... Ils te font un truc à chier, quoi. Ils auraient pu juste... reprendre la mélodie de Tim Follin, quoi, ou adapter le thème mythique du premier niveau de la saga. Non. Voilà. Ils mettent des petits bruitages bizarres, tu sais pas pourquoi, et ça nique toute l'ambiance. Alors déjà que le jeu est complètement massacré de part et d'autre. Ah, mais attends, je pense à un truc là. Dans la version Amiga, il y a même pas l'armure d'or et la magie. Ah, je m'en rappelle pas. Bah attends, forcément elle y est. Pourquoi ils l'auraient pas mis? Tu te souviens de la magie sur Amiga, toi? Ouais, mais est-ce qu'on n'y a pas plus joué sur Atari aussi? C'est ça. Attends. Parce que là, moi, pour moi, il ne l'avertit rien. Oh, bah pour là, moi, il n'y a pas l'armure d'or pour moi. Là, ce serait. Il y a la magie. Là, on passera un nouveau cap, là. Ça, c'est sûr qu'il y a la magie parce que tu avais, tu sais, l'espèce de barre en bas là, avec des boules. Tu te souviens ou pas? Tu sais, parce que le menu en bas, c'est même pas le même que sur. Console ou en arcade. Oui, bien sûr. Bah, c'est le menu déjà genre de base, en marbre brisé, là. Ouais, voilà. Déjà, de base, tu te fais uniquement transformer en canard, si je me souviens bien. C'est le magicien, là. T'as plus que le canard, je crois. Attends, là, je regarde justement une vidéo, là, je vais te dire ça. Voilà, alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand t'as l'armure et que tu tapes un coffre, tu sais, où il y a l'armure, dedans, l'armure d'or, c'est une deuxième armure grise qui sort. Non. Si. Et quand tu prends une deuxième armure grise, t'as la magie, en fait. T'as les magies. En fait, quand tu tires vers le haut, apparemment, bon, je m'en souvenais plus, mais c'est genre un tir sur deux, quoi. C'est-à-dire que si tu mets en haut et t'appuies sur le bouton de tir, il tire, mais ensuite il saute, quoi. Bref, c'était une catastrophe, ce portage. C'est vrai que là, je regarde... Là, j'ai la vidéo, tu sais, de la version Amiga, là, sous les yeux. Ça fait mal, hein. Franchement, ça fait mal, hein. Les sauts qui vont à deux à l'heure et tout. Là, t'as mal à ton jeu vidéo quand tu regardes ça. c'est clair que mais là, c'est triste parce que c'est un jeu qui est tellement... qui est tellement culte, quoi. Qui est tellement bon. Bah, c'est un chef-d'œuvre, hein, tout simplement. Comment on peut autant rater un portage avec une machine aussi puissante que l'Amiga, quoi. Enfin, d'ailleurs, l'équilibrage était tellement... Je sais pas si tu te souviens, mais... Alors là, putain, les gens qui connaissent sa série, ils vont halluciner quand je vais dire ça, mais l'équilibrage du jeu est tellement différent. En fait, c'est tellement pas le même jeu, quoi, qu'en arcade, que la meilleure arme du jeu, c'est la torche. Oui, on la prenait tout le temps, d'ailleurs. Ouais. Elle est ultra buggée sur Amiga, elle a une boîte de collision mais immense, ça te touche tout, ça te défonce tout, elle va vachement plus loin que dans les autres versions arcade, enfin... C'est... Tu te rends compte enfin... Ce qui prouve qu'à l'époque, c'était vraiment... On prend le chèque, on fait notre adaptation, on sait très bien que l'ayant droit, donc, c'est-à-dire Capcom, ne va même pas regarder... ils vont même pas regarder à quoi ça ressemble, quoi. Non, c'est clair. Et que c'était fait vraiment comme ça. Et puis fait avec le cul. Et puis on te vendait ça dans les magazines. Regardez le célèbre jeu d'arcade, Goose & Ghost, chez vous, sur votre disquette. Avec les screens de la version arcade et à 300 balles. Mais ils en ont massacré tellement. Je me souviens aussi de Merx, donc qui est la suite de Commando. Ouais. Le run and gun en vue aérienne de Capcom. Oui, sur Amiga, il est vraiment pas terrible aussi. Hein. Alors, c'est un jeu qui est très très beau en arcade et qui a un esprit un peu jungle, etc. Ils avaient le moyen, comme tu dis, de dégueulasser toutes les couleurs. Là, t'as l'impression que les palmiers étaient en plastique. C'était le sable, il était limite orange fluo. Enfin, c'est c'était moche, quoi. Aussi, t'avais l'impression de gambader sur un gâteau à la carotte, quoi, tu vois. C'était, ouais, voilà, c'est ça. C'était massacré. Ouais. C'était massacré totalement, quoi. Ils avaient le chic de changer carrément l'ambiance, quoi. Des jeux, c'était... Bah, l'ambiance, le gameplay, le... C'est... Pff. Visuellement, ça ressemble à peu près quand ça bouge pas. Bah, ça pouvait berner, je pense, nous qui étions jeunes à l'époque, ceux qui déjà n'avaient pas d'autre choix que de jouer à cette version-là, ouais. Qui n'avaient pas assez de salles d'arcade autour de la maison pour faire vraiment une comparaison honnête. Et du coup, bon, bah, moi je me rappelle que Gouzengos, quand il est arrivé sur Amiga, j'étais super content parce que je voyais un petit gars en armure qui se retrouve en calbute, qui était en train de buter des zombies partout, quoi. Oui, j'arrive dans 10 minutes. 10 minutes, chérie. Ah ouais, le goûter, c'est le goûter, hein. Ça rigole pas. Ah bah ouais, attends, Et du coup, donc moi, je voyais ce petit bonhomme s'agiter un peu partout et buter des petits monstres avec une musique rigolote, donc la musique rigolote, hein, la version interistée. Ouais. C'est vrai qu'on dirait un pantin désarticulé, le héros. Ouais, donc c'était rigolo parce qu'à cette époque-là, effectivement, on n'avait pas ce recul en se disant, regarde, c'est Capcom, c'est un jeu qui a marqué l'histoire de l'arcade et par extension du jeu vidéo, ça a apporté ça et ça. Bon, à l'époque, on n'avait pas ce recul-là, on n'avait pas toutes ces sources d'informations. Ouais. On débutait, quoi, dans le milieu. Oh. Et du coup, on n'avait pas ce recul. Maintenant, quand on le voit, bah, sans aller jusque-là, il suffit de voir la version Mega Drive de Gouzengos, programmée par Yuji Naka, d'ailleurs, le papa de Sonic, qui avait réussi à rendre le scrolling beaucoup plus rapide que la version originale, ce qui avait été salué par Capcom à l'époque, en fait. Capcom avait d'ailleurs avait été assez bluffé par le... Par le boulot de Sega, ouais. Parce que c'est vrai que visuellement, bon, on est, c'est moins beau que la version arcade. Mais c'est une des versions qui s'en rapproche le plus. C'est une très très belle version. Ouais. Et du coup, ouais, là c'est le choc, quoi. Quand tu le vois sur Mega Drive à côté, tu fais ok, c'est ça, Gouzengos. Ok, bon, d'accord. C'est la suite Et le surchoc, c'est à l'époque, quand les émulateurs ont débarqué sur nos vieux PC de l'époque et que les compilations, dont la mythique Capcom Génération sur PS1, que j'ai encore d'ailleurs, que je garde affectueusement. Là, on avait les versions arcade à la maison, et là tu dis. Et alors là. D'accord, ok. C'est ça, Gouzengos, en fait. Donc c'est ça, parce que c'est vrai que trouver un Gouzengos en borne d'arcade en France, enfin moi je sais pas toi, mais c'était pas évident. Jamais vu. En Italie, oui, mais pas en France. Voilà, en France déjà. Plusieurs fois en Italie, même Ghost and Goblin d'ailleurs. Quand on était gamin, je me souviens pas. Et après, quand chacun a pris son envol, moi je sais que moi de mon côté, je me souviens pas en avoir vu. Le comble, c'est que la conversion de Ghost and Goblin sur Amiga et Atari est mieux. Le jeu est mieux que Gouzengos. Ah, est-ce que c'est le même studio? Faudrait vérifier. Mais... Je pense pas. Je pense pas. Bah, il était vachement plus rudimentaire, Ghost and Goblin. Ghost and Goblin, il me semble que c'est quasiment le même qu'en arcade. Hein, en plus, hein. Pour le coup, on parlait d'arcade perfect tout à l'heure. C'est parce que. C'est pas Océan. Non, c'est Elite. Hmm. C'est Elite. Écoute, là j'ai le jeu devant les yeux. Écoute, sans déconner, c'est quasiment le même qu'en arcade. Bah déjà, c'était un autre studio. La vache, putain. Et on dirait là, je suis en train de regarder une vidéo. On dirait la version arcade, quoi. T'imagines le seul truc qui change, c'est la couleur de l'armure d'Arthur qui est un peu plus bleue. Mais putain, c'est quasiment le même. Et en tout cas, il est bien mieux fait que la version NES et Master System et tout ce que tu veux. Hein. Je pense qu'on est pas loin, vraiment pas loin de la version arcade. Tu imagines la douche froide à l'époque pour ceux qui avaient acheté donc Ghost and Goblin et qui ont acheté après Gouzengos en s'attendant. Oh mon dieu, quoi. Parce que il faut rappeler que Gouzengos à l'époque quand il sortait en arcade, c'était un choc visuel aussi, c'était un des plus beaux jeux moment en arcade. Capcom à l'époque au niveau graphisme, c'était vraiment le top du top. Et du coup, Gouzengos à l'époque en arcade, même visuellement, c'était une claque. Ouais, il faut le rappeler. Ouais. Et bon, bah après, faut voir le massacre. Déconner, ouais, je t'ai filé la vidéo. Putain, c'est le. Merde, j'ai mis un caractère en plus. Sérieux, c'est le même, quoi. C'est le même qu'en arcade. On ne l'avait pas, en fait, hein, nous. Hein, ni sur Atari, ni sur Amiga. On l'avait pas, Ghost and Goblins. Donc là, en fait, j'avais juste vu des screens. En fait, je me souviens, je t'en parle parce que j'avais vu des screens du jeu il y a très longtemps dans Génération 4 de Ghost and Goblins sur Amiga et ça me faisait rêver, quoi. C'est le même. Ah ouais, c'est le même, hein. Ouais. Franchement, putain, c'est quasi quelques petits détails près et c'est d'autant plus la honte. Bah, il fait plus beau que Goose and Ghost sur Amiga, quoi. Ah bah, il est beaucoup plus beau, là. Franchement, c'est d'autant plus la honte pour Yes Gold, quoi. Mais c'est clair. Qui sont tapés... Ah, putain, sérieux. Sérieux, attends. Il y a la map entre les niveaux ou pas? Ah, si, si, il y a aussi la map entre les... Putain, c'est le même qu'en arcade. Le deuxième niveau, il est pareil. Il est pareil, quoi. Ouais, bah, c'est impressionnant, ouais. C'est abusé. Même la gestion du scrolling est identique, quoi. Bon, après, Elite, moi, dans mes souvenirs, c'était un bon éditeur. Hein. Donc... Bah... Moi aussi, mais là, je suis en train de voir, c'est assez bluffant. Hein. C'est assez bluffant parce que tu as l'impression que c'est une adaptation qui a été faite après celle de Ghouls and Ghosts. Ah bah, on dirait la suite, on dirait une suite. Bon bah, c'est dire le massacre repéré par... Ah ouais, par, non, par... Alors, est-ce qu'on en rajoute encore une couche, un jeu ou deux? Là, j'ai plus trop de... J'ai plus trop de souvenirs de US Gold. Ils avaient du Sega, c'est vrai qu'Outrun, c'était eux. Pas moi vraiment les plus marquants, bon, c'est Goose and Ghost, c'est les Strider. Massacres de jeux Capcom, quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est vraiment Capcom. Street Fighter 2, c'est une vaste blague sur Amiga. Final Fight, il a à mourir de rire. On en a pas beaucoup parlé, Final Fight, mais c'est quand même une des pires, si ce n'est la pire. C'est encore pire que Goose and Ghost, je trouve. Final Fight, c'est vraiment, tu le reconnais plus, quoi. Le jeu, c'est. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de menu, t'apparais tout de suite dans une ville, les niveaux, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est. Oh là là, c'est... Ça rame, c'est moche. T'as même pas de musique, je crois. En fait, on dirait un prototype. On dirait un prototype très très tôt. On dirait... Mais est-ce que vraiment il était vendu? Ah oui, bien sûr. Et... Parce que nous, on l'avait piraté, mais. Non, si, si, il a été vendu, bien sûr. Il a été vendu comme ça? Mais bien sûr. C'est le vrai jeu, le vrai jeu ça, qui est sorti en boîte. T'as plein de gens, pardon, qui se sont fait avoir parce que c'est vrai que Final Fight, à l'époque, tout le monde avait en tête la superbe version Super Famicom. Parce qu'on dirait pas un vrai jeu, quoi. La Folie Street 2 aussi après derrière, et le mec, il achetait ça sur son Amiga, mais il pleurait, quoi. Bah, ce qui ressemble le plus, c'est l'intro. Là, je suis en train de voir le menu pour choisir ton personnage, et encore, bon, vite fait. Et ce qui est marrant, c'est que oh putain, hey, le jeu il commence, t'as tout de suite deux gros, tu sais, ceux qui avancent avec leur. Oui, tu te fais attaquer direct. Voilà, tu te fais attaquer direct, ils arrivent. Ah c'est bah là, on parlait des transitions qui sautaient, bah alors là, là, c'est même pas les mêmes ennemis, quoi. On est en plein dedans, quoi. Enfin, par contre, il y a Guy dans la version Amiga. Ah bah super, bah tu sais quoi, je préfère même jouer à une version. Digne de la Super Famicom qu'avec un perso, tu vois, je te dis franchement. Ce qui est à mourir de rire, c'est que le personnage, il avance trop vite par rapport au scrolling, donc t'es obligé de t'arrêter pour que le scrolling suive le personnage. Ah non, mais c'était nul. Après, non, moi, le dernier qui me vient en tête, après, on passera à la conclusion, c'était Vigilante. Ouais. Ah oui. Que j'adorais à l'époque parce que je trouvais que la musique sur Amiga était cool. Ouais. Mais bon, après Vigilante, c'est vrai qu'en arcade, pour l'avoir relancé, il était très, très, très, très, très rudimentaire déjà en arcade. Ben oui. Voilà. Là, c'était vraiment... c'était un jeu déjà à l'époque qui n'était pas évident à manier. Donc, bah, vous imaginez, passer par la moulinette US Gold, c'était pire. On avait la beauté des graphismes en moins. Mais il y avait que la musique qui était cool. Le mec qui avait géré le son sur Amiga avait bien géré. Graphiquement sur Amiga, ça va, ça allait, quoi. Bah, disons que les sprites étaient rikiki par rapport à la version arcade. On est loin de la version arcade, effectivement, mais bon, ça fait partie des jeux les plus beaux du US Gold, quoi. Franchement, pour un jeu US Gold, il est même beau, hein, franchement, à côté de ce qu'ils ont fait ailleurs. Oui, oui. Bah, en tout cas, pour conclure avec US Gold, que c'était vraiment notre bête noire à l'époque. De tout le monde, hein. C'était vraiment. Et que, en plus, c'était les Judas, quoi. Bah, c'est ça, et c'était une époque où on commençait vraiment à découvrir tout le pan japonais du jeu vidéo. Ouais. Donc, on commençait à voir ces doubles cultures, vraiment, qui nous a toujours collé à la peau, d'ailleurs, vraiment, on jouait autant aux jeux occidentaux qu'aux jeux japonais. Et du coup, c'est vrai que quand on avait US Gold qui gérait les adaptations des jeux Capcom, bah, c'était assez triste. Bah, c'était comme tirer une balle dans la tête du jeu, quoi. Tu vois, c'est Goose and Ghost qui arrive, bim, une balle dans la tête, bah, ce qui reste, c'est sur Amiga, quoi. Alors, c'est pour ça qu'après, C'est le cimetière, quoi. Sur les consoles 16 bits, quoi, quand on voyait certains chipoter sur Mega Drive ou Amiga, que tiens, tel jeu d'arcade, il manquait, c'est manqué ça. Nous, ça nous est doucement rigolé parce que pour nous, sur Super NES et Mega Drive, c'était tellement, au niveau des adaptations d'arcade, c'était tellement un autre univers. Ah ouais, ouais. Que... Et ce qui était triste, parce que l'Amiga avait vraiment des capacités énormes. Là, on parlait d'Océan tout à l'heure, qui faisait un boulot remarquable. Et certains autres. Et même en général, de toute manière, l'Amiga était déjà bien plus puissant qu'une Mega Drive. Techniquement, tu pouvais faire des trucs assez. Et donc assez c'était fou, du gâchis, c'était du gâchis que voilà. QS Gold gère. C'est que les développeurs avaient pas envie, quoi. Point. La machine était hyper sous-exploitée. Enfin voilà, quoi. Bon, je pense qu'on va terminer là. Donc du coup, on... ouais. Pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à balancer vos adaptations qui vous ont marqué en bien ou en mal sur micro. En tout cas, nous, voilà, je pense qu'on a passé à peu près au crible tous ceux qui nous avaient marqué. Fatalement, on en a zappé, voilà, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, bon, c'est les limites du système, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait le charme de cette émission, c'est qu'on ne prépare rien, pas grand-chose. Ouais. Si on s'en souvient, on en reparlera plus tard. Et puis voilà. Voilà. Et du coup, bah, voilà qui nous amène à la rubrique musicale, car à chaque émission, on vous propose un titre. Ouais. Voilà, pour vous proposer à terme la playlist ultime de Game Music. Et ouais, donc, ouais, bah, là, ouais. La dernière émission, c'était moi. Là, c'est au tour de Julien. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Oh, putain, merde. Bah, rien. Eh ben, au débeauté, dis-moi si t'as pas préparé une. Est-ce que j'avais déjà mis une musique de Beast 3? Bah, non. Non. Eh ben, la musique de l'écran titre de Beast 3. Ah, bon, bah. Bon, bah là, moi je suis déjà invendu si c'est du Beast. Voilà. Bah, donc, non, parce que là, autant rester dans l'Amiga vu que c'est dans le thème. Enfin, je ne peux qu'acquiescer. Voilà, donc c'était soit ça, soit tu sais, la musique. Soit la musique Atari, tu sais, du premier niveau Blood Money ou The Kitty Game Show aussi. Bon, ça, on gardera pour plus tard à la limite. Un de ces quatre. C'est la musique, tu te rappelles du premier niveau de The Kitty. Enfin, bah, du premier niveau. La musique. La musique de tous les niveaux. The Kitty Game Show. Mais elle était tellement bien. Il y aura un quart d'heure là. De toute façon, la musique d'intro à Beast 3. On aurait pu pousser le vice à mettre une belle musique du S Gold. Non, c'est bah, on l'a fait, remarque, on l'a fait la dernière fois, mais c'était une belle musique. Beast 3, ouais, cet écran titre avec cette musique, ce thème d'une mélancolie. Ouais, avec le héros qui se balade là. Absolument. Dans... Une sorte de hub. Enfin, moins mélancolique que dans le 2. Que mais, du 2, ouais. Mais qui... Elle est bizarre, cette musique. Elle est très mystique. Elle est en même temps rythmée, en même temps, t'as certains accords, certaines gammes qui sont plutôt affiliées à des musiques qui sont joyeuses. Et pourtant, la musique, elle est très triste. C'est moins mélancolique que dans le 2. Moi, c'est vrai que bon, celle que je préfère, c'est dans le 1, parce que j'aime bien son côté un peu guerrier. Et puis bon, c'est le 1, voilà, c'est Beast 1, voilà. C'est presque Spartan. Le 2... qui est tout aussi belle, qui est là à fond c'est dans dark. La mélancolie, qui est très noire, et celle du 3 qui est un peu entre les deux, quoi. Ouais, finalement. Qui est un peu entre les deux et qui m'a marqué. À l'image du jeu, quoi. C'est un peu ça. La synthèse, un petit peu de. C'est ça. De voilà, deux premiers. Donc voilà, cette musique que je réécoute très régulièrement. Bon, de toute façon, la BO du 3, je l'écoute très régulièrement. Je recommence régulièrement. Voilà. Il y a trop de consonnes dans ce mot. Trop de consonnes rapprochées. Donc Beast 3, qu'on rappelle, qui est le dernier jeu de Nintendo sur Amiga. Une news, j'y vais le mec. Ah merde, tu m'as pris de court, j'allais la balancer. Ah la vache. Oui, donc c'est le dernier volet, effectivement le seul qui n'a pas été adapté sur d'autres supports. Parce que impossible. C'est impossible à adapter techniquement, il est beaucoup trop avancé pour de la Mega Drive. Il y a trop d'images, trop de musique, trop de lieux. Enfin, c'est. Par contre, on va peut-être rappeler les compositeurs, donc qui sont Tim et Lee Wright, ouais. Qui eux s'étaient occupés aussi de la bande son du 2. Voilà. Ouais. Contrairement au premier où là c'était David Whittaker. J'adore son nom, Whittaker, ouais. qui officiait. Bah voilà, mais on va balancer le son. Donc on vous dit à la prochaine, partagez votre amour, moi aussi l'émission, ça serait bien. Ouais. Et puis voilà, mettez-nous plein d'étoiles sur iTunes, parlez de nous, partagez un max, voilà, on compte sur vous. On espère que ce 6e épisode vous a plu, et donc on se retrouve courant septembre. À bientôt. Oui, à bientôt. Parce que c'est les vacances. C'est les vacances. On va essayer de se caler une émission pour la première quinzaine de septembre. Je pense que c'est 2018. Très gérable. Ouais. Parce que celle-ci, je pense la mettre vraiment la fin août. Donc, nous sommes le combien ? Nous enregistrons le 11. Yep. Donc, je pense mettre ça, je pense, aux alentours du 12. Ouais. Du 12. Non, mais je pense aux alentours du 25, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. 25-26. T'as vu ? À mon retour. Et puis, t'as vu, tu reviens quand, toi, exactement, déjà ? Pas le 25. Bon, ça tombe quel jour, ça, le 25 ? Ah, bah, sait même pas quel jour il revient en vacances, celui-là. Bravo. C'est un jeudi. This is jeudi. Yep. D'accord. Bah, tu sais quoi ? Je pense que pour le vendredi 26, ce sera parfait. Voilà. Vu que là, l'épisode 5 a été mis en ligne il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc voilà. Bah, on s'écoute donc le thème de l'écran titre de Shadow of the Beast 3. Et puis, bah, on vous dit à très très vite. Salut. À bientôt.